Bonjour et bienvenue maintenant à un enregistrement que j'effectue en compagnie de Jean-Luc. Nous sommes présentement le 10 novembre 2019. Donc, il y a plusieurs sujets là, qui vont être abordés là, dans les prochaines minutes. Mais juste avant de commencer, à proprement dit, je veux rappeler aux gens qui m'écoutent que vous pouvez, en bas de l'enregistrement présent, accéder à un lien où figure au-dessus de 400 enregistrement MP3 que j'ai produit au fil du temps avec des invités. Donc, c'est sûr que s'il y a des gens qui, entre autres, apprécient particulièrement les enregistrements que je fais au fil du temps, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir un don d'argent, que ce soit par PayPal ou Interac, qui sont deux services sécurisés de versement aux coordonnées qui figurent en bas de l'enregistrement présent. Ceci dit, je vais débuter à proprement dit avec Jean-Luc, que j'avais déjà reçu il y a quelques mois dans le cadre d'une émission où on avait parlé de son témoignage par rapport à Bernard de Montréal, qui l'a connu pendant plusieurs années. Donc, sans plus tarder, bonsoir Jean-Luc, ça va bien? Oui, bonsoir David, ça va bien. Excellent. Donc, au moment où on se parle, on est en préparation parce que tu vas venir bientôt au Québec. Donc, tu vas partir de l'Europe pour venir ici donner une activité de conférence séminaire dans la ville de Québec. Donc, je le mentionne d'entrée de jeu au cas où il y a des gens qui nous écoutent présentement et qui seraient intéressés à nous rencontrer parce que j'ai l'intention de t'interviewer là, pour l'événement. Donc, s'il y a des gens qui s'intéressent, vous pouvez dès maintenant vous inscrire, signaler votre intérêt, que ce soit par courriel et également par Facebook aux coordonnées qui figurent en bas de l'enregistrement présent. Ça vise à être une activité en après-midi et également en soirée, donc plusieurs heures de discussion sur plusieurs sujets. D'ailleurs, je vais prendre des questions du public et toi aussi. Et ce sera l'occasion de s'immerger dans une vibration le temps d'une journée. Donc, pour le 27 décembre 2019, et le coût de l'activité, c'est de 40 $. Donc, les gens intéressés, vous êtes les bienvenus dès maintenant pour vous inscrire. Et là-dessus, on voulait commencer par mentionner la raison de ta venue cette fois-ci là, dans notre ville de Québec. Disons que, comme il y a 3 ans, je reviens faire ces formes de conférences séminaires qui avaient été, disons, bien accueillies par le peuple québécois, comme il se doit, qui est un peuple libéré, je dirais, par rapport au nôtre. Et, ne nous affolons pas ici, Jean-Luc. Il y a encore du chemin à faire au Québec, là. Il y en a encore le double à faire pour les Français. Parce que si vous avez un franc-parler, une liberté dans l'esprit, on peut pas dire qu'au niveau des Français, ce soit exactement la même chose. Et si je fais les conférences au Québec, c'est parce que je veux plus les faire en France. Je les fais au Québec essentiellement parce que la première fois où tout s'est organisé pour que je les fasse, les réservations se sont faites au dernier moment, dans les jours qui viennent juste avant Noël pour avoir des salles, ce qui est plutôt difficile. Et je pensais avoir l'appui des contacts pour faire mes conférences, comme j'avais eu l'appui de mon contact pour faire les conférences en France. Et ils étaient là, effectivement. Les contacts étaient là. D'ailleurs, il y avait tous les contacts, je pense, des personnes qui étaient là. Et du moins, il y en avait de nombreux. Je leur ai reproché un petit peu de ne pas m'avoir... si on peut dire, inspiré ou m'avoir fait fonctionner dans une direction ou dans une autre, mais plus m'avoir laissé sur un état de conscience et une évolution de conscience. Et quand je leur ai dit et quand je leur ai reproché, entre guillemets, Ils m'ont dit que je m'étais bien débrouillé, qu'ils étaient bien contents, que je m'étais bien débrouillé, mais moi j'ai eu l'impression d'avoir été dupé. C'est-à-dire que ils m'ont donné accès pour venir et ils m'ont fait toutes les facilités de logement, de véhicules, de personnes accueillies, de gens, de vraiment tout pour en fait me lâcher et faire leur job. Et leur job, c'était quoi? En fait, c'était de scanner les individus qui étaient présents, d'examiner leur quantité évolutive et de faire en sorte que ils soient boostés. Et effectivement, les gens ont été boostés, les gens ont été propulsés dans une direction de vie. Et si pour eux leur objectif, comme d'habitude, a été complet, moi je comptais sur le contact avec les Québécois et les contacts pour pouvoir faire des découvertes. Or, les découvertes, comme on le sait, avec les systèmes de lucidité, amènent vraiment un champ moins large que ce qui est totalement nouveau ou que ce qui est totalement surprenant amené par les contacts. Voilà. Et donc là, quand j'ai décidé de venir et que je leur ai demandé le pourquoi de ma venue, ils m'ont expliqué que, en fait, j'étais là pour faire le joint. La liaison, si vous préférez, la liaison entre l'énergie qui existe au Québec et les individus. C'est-à-dire que le fait, un peu comme faire le trait d'union entre les contacts et les individus qui se trouvent au Québec. Un peu comme l'électricité qui allait passer entre eux et pour consolider ce mouvement, pour consolider cette forme. Donc, à première vue, ce n'est pas l'information qui va être importante là, mais c'est le résultat énergétique. C'est peut-être, comment dire, un peu hasardeux, dans le sens où on ne sait pas trop ce qui se passe. Moi, j'ai beaucoup d'informations. D'ailleurs, tout le monde en a ras-le-bol d'avoir toute l'information. C'est-à-dire, on a assez, j'emploie des termes français, mais argotiques, mais tout le monde en a un petit peu assez de toutes ces informations qu'on nous envoie et qui ne peuvent pas être diffusées puisqu'il n'y a plus de conférences. Et donc, vous allez profiter de toutes les informations, de toutes les nouvelles informations que j'ai sur plein, plein, plein de choses dont je veux un petit peu me délester pour pouvoir enfin respirer avec vous. Et faire de la place en même temps pour accueillir de nouvelles informations. Vous êtes sûr que vous avez assez de place? Je vous assure que vous n'en aurez peut-être pas assez, parce que les informations, elles sont relativement importantes, relativement énormes, et elles sont toutes nouvelles. Elles ont été nouvelles pour moi, qui commence déjà à avoir pas mal de passifs au point de vue information et supramental, puisque j'ai compté un petit peu les prises de contact et les prises de conscience que j'avais. Je suis arrivé à 325, donc c'est déjà pas mal. Ben, Si 325, quoi? prise de conscience. OK. Ah ouais, tu les as notés systématiquement? Ouais, pour pouvoir m'en décharger, parce que ça arrive dans la tête et il faut s'en débarrasser. C'est un petit peu comme quand vous avez de la poussière dans la maison, au fur et à mesure, si vous ne faites pas le ménage, au bout d'un moment, vous n'allez plus pouvoir rester dans la maison, vous allez vous étouffer. Donc, vous les notez et en même temps, ça vous dégage la tête et puis vous n'y pensez plus. Et après, quand vous reprenez votre listing, et que vous voulez un petit peu réfléchir dans le sens aller plus loin dans ce qui a été dit, vous prenez cette vibration et vous essayez de vous mettre sur le même taux vibratoire que ce que vous avez eu. Et vous essayez d'aller plus loin, et puis vous apercevez qu'il y a des choses qui apparaissent, qui vous apparaissent, Et puis d'autres où vous ne comprenez rien de ce que vous avez marqué. Bon, j'en ai effacé une quarantaine. Donc, c'est des choses que j'ai rien compris de ce que j'avais marqué et qui avaient un bon sens et un gros sens à ce moment-là. Oui, mais Voilà. parfois, ce qu'il faut dire, c'est que les choses ne se comprennent pas intellectuellement, mais peuvent se comprendre vibratoirement. Oui, c'est ça. Et en l'occurrence, bon, c'est intéressant de pouvoir aller plus loin quand on veut un petit peu changer de son état contemporain et son état de présent en dehors de la vie de tous les jours. Voilà. Exactement. C'est sûr que de venir à Québec, ça peut être l'occasion justement aux gens qui vivent de l'isolement par rapport à l'écoute de ces enregistrements sur Internet, de pouvoir rencontrer d'autres personnes en chair et en os avec lesquelles avoir du plaisir à baigner dans une vibration. Parce que c'est sûr qu'en faisant une journée intensive comme ça, bien, ça donne l'occasion à ce que les gens puissent être en immersion dans un champ de vibration qui est différent de celui qu'on peut voir à Bien, présent à un match de hockey ou dans une cour de récréation. Totalement. D'autant plus que bon, là, je suis sûr qu'ils me feront pas faux bond, dans le sens où ceux qui m'ont promis d'amener sera présent. C'est-à-dire que il y aura une connexion chez la majorité des gens. C'est quelque part obligatoire parce que il faut que ça se fasse à un moment donné. Et les premiers chocs qui ont été vécus lors des conférences précédentes ont été traumatisantes pour certains, puisque certains m'en reparlent encore, m'ont dit qu'ils ont été étourdis, surpris et émus parfois. Et donc, je m'aperçois que 3 ans après, les gens n'ont toujours pas consommé la première conférence. Alors, Bien, chacun intègre les choses à leur rythme, hein, tu sais, tout est reçu selon la forme du récipient. Donc, c'est sûr que ça peut être déstabilisant au départ pour certaines personnes d'être exposées à une vibration, mais éventuellement, les choses s'ajustent, se replacent à mesure qu'une intégration se fait dans le temps. c'est ça. Donc, ce sont tous des gens qui ont connu normalement Bernard auparavant et qui ont eu pas mal de cassettes et pas mal d'informations. Donc, j'ai été un petit peu étonné sur l'effet choc et l'effet vibratoire qui s'en est suivi. Voilà, tout ça pour dire simplement que normalement, ça devrait être intéressant. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que les gens qui seront présents là, pour l'événement, ben, ça sera l'occasion aussi pour eux d'interagir avec toi. Donc, s'il y a des questions, ben, les gens pourront se préparer à des questions, amener avec eux des questionnements. Et puis, moi-même, j'ai l'intention de te poser des questions pour t'accompagner dans la discussion. Mais c'est sûr que c'est bien, je voulais mettre quand même l'emphase là-dessus aujourd'hui, de discuter avec d'autres personnes dans l'optique de générer une vibration, parce qu'on peut écouter des enregistrements de Bernard, mais tant que les enregistrements ne nous concernent pas directement, tant que ce n'est pas un échange qui nous concerne directement, ça n'a pas le même impact. Dans le sens qu'on peut bénéficier d'une vibration qui a été émise dans le passé, mais quand la vibration est canalisée par rapport à quelque chose qui concerne notre vie, notre existence directement, je trouve que c'est différent. Totalement. Et ce qui serait intéressant, c'est que ce soit beaucoup plus public que personnel. Disons que les problèmes personnels, évidemment, sont importants pour l'individu, mais c'est plus aisé de répondre facilement à quelqu'un que de le cibler. C'est-à-dire que s'il pose une question qui va être plus impersonnelle, ce sera plus facile d'y répondre que si, au travers de sa question, on voit exactement le problème. Oui, en effet. Bien, surtout que là, dans le cadre d'une activité de conférence, séminaire, dans le fond, ça peut être en effet pertinent que les questions soient de nature généralisable pour que l'ensemble du groupe en bénéficie plutôt qu'une personne en particulière. Quoique derrière une question générale peut avoir des implications personnelles aussi, que des fois ça peut éclairer un point pour un individu aussi. L'objectif est ça, mais disons que le contact est là pour faire ça. Il est là pour faire son boulot. Et mon rôle, si on le voit bien, c'est que lorsque je réponds à quelqu'un, c'est en fait le mettre en contact avec sa réponse, avec ça, avec son propre contact, son propre contact, avec son propre double, qui sera à même de lui répondre et lui amener sa réponse au travers de la vibration que j'aurai envoyée. Simplement, le codage que j'enverrai au travers de ma réponse, ce sera de lui donner les clés qui vont lui permettre d'ouvrir la porte du contact. Et lui verra au fur et à mesure, ou spontanément, la réponse de ce qu'il attend. C'est comme ça que ça fonctionne, plutôt que moi amener une information sur l'individu. Oui, ben c'est bien que dans le fond, tu permettes aux gens d'être autonomes, c'est-à-dire en les ramenant à leur propre contact, pour que les gens, quelque part, apprennent à écouter leur intériorité. C'est sûr qu'à quelque part aussi, avec le temps, les gens doivent en venir de plus en plus à se responsabiliser dans leur vie, puis à être autonomes dans les démarches qu'ils font, là. Ouais. Et ce que je voulais dire, c'est que si beaucoup de gens en viennent à commencer à sentir une transformation, c'est-à-dire une forme d'accélération, c'est parce que le monde actuel devient de plus en plus astralisé. Je ne sais pas si la majorité, du moins en Europe, c'est ce qui se passe. Il y a une astralisation qui se fait sentir, qui est à peu près 50% de plus intense que ceux qui étaient auparavant. Et je ne sais pas si dans votre pays il en est de même, mais on ressent comme une forme d'astralisation qui se fait de plus en plus, disons, intense, présente, où il y a davantage de crainte, où il y a davantage de choses informes ou de choses qui poussent les gens à être anxieux, qui poussent les gens à être stressés. Et ces stress, ces anxiétés qui sont de plus en plus présentes dans notre pays, je ne sais pas si ça n'est de même chez le vôtre, mais c'est très présent chez le nôtre. Ben, en tout cas, pour ce qui est du Québec, la quantité de gens qui consomment des antidépresseurs est en augmentation au fil du temps. Il y a des tensions qui sont là, le stress qui est vécu, notamment par rapport à la pression à la société de performance, le stress au travail, entre autres, le stress aussi occasionné par l'exposition au niveau média. Tout va très vite sur Internet, sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube. Donc, les gens sont souvent sous tension. Par contre, la nuance que je ferais, c'est que pour moi, il y a une accélération qui se fait notamment au niveau des technologies de communication, présentement à la surface du globe, mais en même temps, ce n'est pas nécessairement tout le temps dans un sens d'astralisation ou d'abaisser la vibration, parce qu'après tout, sur Internet, il y a des choses très intéressantes aussi qui sont véhiculées. Donc, il y a des gens qui s'éveillent présentement, puis comme ils ont accès à beaucoup d'informations rapidement, bien, ça peut amplifier le phénomène, au même titre que quelqu'un peut vivre un phénomène amplifié de dépression ou d'enlisement, par exemple, dans du matériel plus négatif aussi sur Internet. Donc, c'est à double tranchant tout ça. Et on voit effectivement qu'il y a de plus en plus de gens qui se disent avoir des maladies psychiatriques au travers de ça, et alors que en fait elles n'ont pas plus de maladies qu'avant. C'est simplement qu'elles sont beaucoup plus fragiles et beaucoup plus en proie à subir une accélération du temps. Et à un moment donné, je parlais à un ami et je lui expliquais que j'avais vécu une transmutation, et donc il était un petit peu étonné. Et je ne sais pas si j'en avais parlé la dernière fois, où la transmutation avait entraîné une rupture avec mon contact et une rencontre avec un autre contact, avec un nouveau contact. Et d'où la difficulté en même temps à essayer de reprendre un petit peu ma stabilité vis-à-vis de ces changements qui ne sont pas toujours évidents. Parce qu'une transmutation, ce n'est pas une transformation. Une transmutation, c'est une rupture complète avec ce qu'on a été auparavant. Tandis qu'une transformation, c'est un glissement vers une amélioration de soi. Et c'est beaucoup plus choquant une transmutation qu'une transformation. Une transformation, je dirais que c'est plus agréable parce qu'on a le temps de voir son propre changement, tandis qu'une transmutation, c'est vraiment, on tourne la page vis-à-vis de ce que l'on a été, non pas dans l'environnement, mais à l'intérieur de soi. Et quand j'ai fait part du nouveau contact que j'ai rencontré, qui n'était pas du tout le même que celui que j'avais auparavant, qui avait la possibilité, qui était à mes côtés, qui était présent, qui était et que j'ai dû, à mon sens, laisser chez vous, au Québec, et que je regrette entre guillemets, parce que celui que j'ai eu maintenant et que j'ai maintenant est beaucoup plus distant, beaucoup plus froid, Ben, beaucoup plus. juste interrompre ici, parce que quand tu parles du contact, parce pour que les gens qui nous écoutent présentement soient en mesure de nous suivre, parce que moi, ma compréhension de l'instruction supramentale, c'est qu'à chaque âme incarnée dans la matière, il y a un esprit spécifique qui lui est rattaché, puis il n'y en a pas nécessairement plusieurs, il y en a un spécifique. Justement, c'est ce qu'on croit, c'est OK. ce que je croyais aussi. Je pensais qu'il y avait une spécificité, une sorte de rattachement à une génétique d'âme qui permette au contact qui est normalement soi-même. Mais dans la mesure où on ne se reconnaît plus, je pense que le contact doit avoir des difficultés à nous reconnaître parce que s'il s'attache à une génétique, que ce soit une génétique physique, qui cesse au moment de la mort, donc il n'y aura plus de rattachement, donc il ne se rattachera pas à une génétique physique, donc il ne peut se rattacher qu'à une génétique d'âme, entre guillemets. Je ne sais pas s'il y a des chromosomes d'âme, mais disons que il peut être attaché à une forme de reconnaissance d'âme par un lissage ou une forme de faille ou comment dire, une sorte d'empreinte d'âme. Ben oui, mais c'est Or, parce que l'âme a une signature énergétique, un peu comme les véhicules au Québec ont toute une plaque d'immatriculation. Donc, si un contact est assigné à un véhicule particulier d'âme, à ce moment-là, l'âme peut être retracée un peu partout. voilà, normalement c'est ça. Mais on s'aperçoit qu'après avoir pris des informations auprès d'eux, eux s'attachent à une évolution. Ce sont des énergies qui s'attachent à une évolution qui est reconnaissable à une sorte de vibration d'âme. Cette vibration d'âme, quand elle se modifie, automatiquement, ils ne la reconnaissent plus. Et donc, c'est un peu comme passer le relais à un autre. C'est passer le relais, c'est passer en classe supérieure, on peut dire ça. C'est-à-dire que votre professeur vous a appris ce qu'il devait vous prendre, ce qu'il devait vous apprendre, et vous passez au suivant. Et ce qui est assez marrant, c'est que vous sentez la rupture un petit peu comme je dirais pas votre protecteur, mais votre conciliateur, votre ami, votre échangeur, tout ce qu'on peut appeler dans ce type de contact change d'une manière radicale. C'est tellement brutal et tellement impersonnel qu'on se demande ce qui se passe. Et c'est là où on pose les questions, c'est là où on va faire nos réclamations, c'est là où on exige le retour de l'individu qui, enfin, de l'individu du contact qui est parti, Mais et on ouais, voit que ouais, pour eux, ce n'est pas possible. OK, mais en lien avec ce que tu dis, ça me fait penser au travail qui peut être fait par rapport à des entités, dans le sens qu'à un moment donné dans la vie, il y a comme une entité que je sens plus présente dans mon existence qui m'amène à faire de la musique, jouer de la guitare. Puis à un moment donné, ça coupe, ça m'intéresse plus, puis là, j'écoute des vidéos sur la physique quantique, je m'intéresse à la science, la chimie, mais c'est que je sens comme la présence d'entités qui vont m'orienter dans des activités, que ce soit des visionnements de vidéos ou des activités aussi dans la matière, en relation d'un développement. Puis comme tu le mentionnes, ce qui m'est venu en tête, c'est qu'à un moment donné, j'avais saturé, par exemple, d'étudier l'anglais. Bon, ben j'avais arrêté. Là, je m'étais mis à m'entraîner physiquement. Donc, il y a des rotations d'activités, puis je sens qu'il y a comme des entités qui sont comme spécialisées dans certaines choses. Puis une fois qu'on a atteint un certain niveau de développement, on passe à autre chose. Mais ce que je veux dire, c'est que, OK, on sent le changement, que ce soit une entité éthérique ou une entité astrale, on sent qu'il y a un changement. Les entités astrales, elles sont difficilement... elles peuvent être difficilement ancrables, même chez quelqu'un qui a un trouble psychiatrique. Ce sont à moins d'habiter, auquel cas c'est une forme de possession, à moins d'habiter un des corps de l'individu, mais sinon elles ne peuvent pas s'accrocher. Elles vont simplement passer, elles vont simplement influencer, mais elles ne vont pas pouvoir s'intégrer. En ce qui concerne un contact, en ce qui concerne une source, celle-ci, elle va couler toujours dans le sens où elle reconnaît l'endroit où elle s'écoule. Et là où vous trouvez, vous, le changement, c'est qu'il y a eu un changement chez vous. C'est-à-dire que toutes vos failles d'âme, toutes les failles d'âme que l'on peut avoir et que l'on connaît, c'est-à-dire toutes les formes de défauts qui nous ont amenés sur Terre, parce qu'on nous a balancé d'autres planètes sur cette planète pour guérir nos failles d'âme, ou du moins pour les travailler, ces failles d'âme, certaines, sont supprimées totalement. Et si vous arrivez avec 5-6 failles d'âme, vous allez vous retrouver, lors d'une transmutation, avec plus que 2 failles d'âme, sans savoir ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout ce que vous aviez, les tendances, quelles que soient les tendances, les pulsions, tout ce que vous avez comme choses qui vont perturber votre état de tous les jours, votre état mental, votre état émotionnel, votre état astral, tout ça va être changé et modifié. Et disons que vous n'allez plus vous reconnaître, votre famille ne va pas vous reconnaître, et votre contact, lui, il va faire un blanc sur vous. C'est-à-dire qu'il va passer, il va un peu comme poser la question, qui c'est qui a la même vibration que l'individu qui vient d'être transmuté, et l'individu qui est transmuté et qui va reconnaître sa propre vibration va venir s'accoupler entre guillemets avec vous. C'est comme ça que ça se passe. C'est étonnant, c'est choquant. Autre chose, c'est que tu dis qu'on a un contact pour une âme, mais en fait, il y a un contact avec plusieurs âmes. Et ils sont obligés de compter comme ça, parce que vous savez que quand il y a des âmes qui n'arrivent pas à être reconstruites à cause de certaines failles, on est obligé de détruire ces âmes. La destruction d'une âme est une catastrophe en soi, parce que c'est un échec du créateur et du contact. Donc ça laisserait des orphelins, des contacts orphelins en gros. C'est assez comique de dire, tiens, il y a un contact orphelin qui est venu me voir. C'est simplement pour éviter ce genre de éviter de mettre au chômage un contact qui a plusieurs âmes sur un seul contact. C'est comme, alors qu'on peut avoir un ajusteur de pensée avec une ou deux âmes, on peut avoir un contact... Mais justement, je t'interromps ici. Est-ce que tu fais une distinction entre le terme ajusteur de pensée et contact? Ah, totalement, c'est pas la même personne. OK, donc peux-tu les définir? Parce que j'ai fait plusieurs entrevues au fil du temps, et d'une personne à l'autre, les définitions, que ce soit le contact, l'ajusteur de pensée, le double, ça varie d'une personne à l'autre. Donc, selon toi, c'est quoi la distinction entre l'ajusteur de pensée et le contact? Alors, l'ajusteur de pensée, c'est une personne qui est, enfin, c'est une personne, c'est une entité qui est chargée de vous maintenir dans un programme. C'est-à-dire, c'est celui qui va vous envoyer des pensées qui vont vous maintenir dans le programme. Il n'a pas du tout accès à l'intérieur de votre âme. C'est lui qui va lire les décodages, les informations de décodage qui amènent, comme vous le savez, le programme. Donc c'est le miroir. Il va lire ces miroirs et va vous envoyer des informations, va vous envoyer des pensées qui seront en harmonie avec votre programme. Ce qui vous empêchera en même temps de choisir. Mais vous aurez l'impression d'avoir choisi quelque chose parce qu'il va vous envoyer ses pensées au niveau des zones inconscientes, c'est-à-dire au niveau des zones où vous n'avez pas la lucidité de la perception. Et il va vous envoyer ses pensées qui vont venir de l'extérieur et qui vont rentrer dans votre mental. Il a accès à votre corps mental. Et il va pouvoir vous donner les informations dont vous avez besoin. Ensuite, cet ajusteur de pensée, il est là pour créer chez vous des actes manqués. Ces actes manqués, c'est simplement pour vous faire monter la vibration. Si, par exemple, il voit que dans votre programmation, vous allez avoir accès à rencontrer quelqu'un de très autoritaire, ou de très dangereux, ou d'important pour vous, votre future femme, ou je sais pas moi, ou votre futur ami, il va faire en sorte que vous trébuchiez, que vous égratigniez le genou, ou que vous coinciez les doigts dans une porte. Il va faire en sorte de vous monter la vibration parce qu'il étudie votre état vibratoire. La meilleure façon de pouvoir rentrer en contact avec un ajusteur de pensée, c'est de se mettre en apnée et vous allez entendre les pensées qui vont arriver automatiquement parce que pour lui, vous êtes en train de vous suicider. C'est comme il n'a pas accès à l'âme directement, à l'intérieur de l'âme, ni au programme de l'âme, mais il a accès à la vision de ce que va donner votre programme. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, Non, non, mais. c'est pas clair. C'est-à-dire que l'ajusteur de pensée, dans le fond, là, tu commençais à parler que, bon, à travers des actes manqués, il nous créait des chocs pour qu'on monte en vibration. Oui. Fait que lui, sa fonction, c'est plus de d'amener un changement vibratoire. Oui. OK, mais il y a... De monter la vibration de l'individu de façon à ce que l'individu soit avec un état vibratoire assez haut. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Parce qu'on pourrait se dire pourquoi on monte en état vibratoire quand on rencontre quelqu'un. Parce que simplement, si on se retrouve dans un état vibratoire beaucoup plus inférieur à celui qu'on devrait être, lorsqu'on va avoir un choc, on va avoir un état qui va pouvoir faire quitter à tout moment l'état de conscience de l'âme vis-à-vis du mental ou du corps mental. Ce qui entraînerait automatiquement soit une perte de conscience, soit être tombé dans les pommes, soit un malaise, soit ne pas être à 100% de son activité et de sa conscience lorsqu'on rencontre l'individu qu'on doit rencontrer dans son programme. Autrement dit, l'ajusteur de pensée est conscient de la programmation, puis il va mettre des ajustements à travers des événements pour que la personne ait le taux vibratoire requis pour Voilà. faire certaines rencontres ou Il est au courant du programme, non pas comme vous, parce que vous l'avez à l'intérieur, vous allez le recevoir au fur et à mesure, votre programme à l'intérieur. Donc lui, il n'a pas accès à l'intérieur de votre âme, comme votre contact. Lui, il a accès à l'extérieur de votre âme, et il voit le programme, parce que le programme nous est envoyé. Quelques jours avant, par ce qu'on pourrait appeler le décodage. Et là, lui, il voit le décodage. Et là, il peut avoir accès et pouvoir disons, anticiper et pouvoir anticiper sur votre comportement. Oui, Donc, mais c'est pourquoi que l'ajusteur de pensée n'a pas accès à ce qu'on peut capter dans notre intériorité? à mon avis, parce qu'il doit avoir beaucoup de choses parce que simplement, on serait à même de pouvoir plus le contrôler. Et il y a besoin qu'il y ait un contrôleur externe, parce que si on contrôle l'ajusteur de pensée, un, on n'aura plus de pensée, parce que c'est nous qui les formulerons, ou alors c'est nous qui aurons la possibilité de le retenir dans sa volubilité. Et si vous voulez, vous avez toujours la possibilité d'empêcher le recueil du courrier, si vous préférez, du courrier, c'est-à-dire des paroles qu'il vous envoie ou des pensées qu'il vous envoie. Vous pouvez refuser votre courrier, mais vous ne pouvez pas empêcher sa venue. Vous pouvez toujours visualiser, parce que cet individu, moi je le visualise assis sur une chaise, et quand je veux avoir la paix, je bouscule la chaise, et là, si je veux, je fais une apnée, je me mets en apnée, et puis je m'aperçois que il dit plus rien. C'est fini, la chaise est vide, la chaise est tombée, il n'y a plus personne sur la chaise, il a été interpellé. Si vous voulez lui parler, vous pouvez lui parler, vous pouvez lui poser des questions, il va vous répondre aux questions. Mais ce n'est pas votre contact. C'est-à-dire que lui, il va faire en sorte de répondre aux questions que vous posez pour que vous puissiez continuer dans votre programmation et dans votre ajustement. Et dans votre continuité de programme. Il a la possibilité de communiquer avec des entités majeures et dirigeantes qui sont, elles, dans votre corps mental, dans votre corps astral, dans votre corps de désir ou dans votre corps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a d'autre. Et là, il a la possibilité de les diriger. Lui, il a la possibilité de diriger ces gens-là. De diriger ces entités-là. Oui, parce que dans Ah. le fond, l'ajusteur de pensée, il y a un taux vibratoire plus élevé que les êtres décédés qui ont vécu sur Terre. Voilà, c'est ça. C'est aussi un être de lumière, mais c'est pas une entité astrale. Ce n'est pas un décédé, ce n'est pas un mort. On pourrait dire un éternel, pas un immortel. Et par contre, ce qui est un contact, c'est normalement une énergie vibratoire qui est à même de générer chez vous une forme de lucidité, une forme de conscience, une forme de savoir et de vous amener assez d'intelligence pour pouvoir appréhender un monde qui est au-delà de votre programmation. C'est une dimension qui est beaucoup plus éthérée, mais qui est beaucoup plus présente, puissante, et qu'on peut utiliser pour avoir accès, quand on a un langage qui est proche de la colère, parce que c'est uniquement la forme vibratoire. C'est notre colère mentale qui est la forme vibratoire de correspondance avec eux, ce qui est totalement différent avec l'ajusteur de pensée qui a rien à foutre de votre colère, parce que il sera pas concerné par l'affaire. Il sera plus concerné par les formes mentales que vous lui enverrez. Il sera beaucoup plus tapé, comment dire, fracturé par une image mentale que vous allez lui envoyer, comme renverser la chaise sur laquelle il est assis, comme le bousculer dans ses formes de visualisation de votre vie, il sera beaucoup plus choqué que si vous vous mettez en colère là-dessus, sur lui, et alors qu'il ne donnera rien. Tandis que si vous vous mettez en colère sur votre contact, vous allez avoir ces réponses. Mais vous apercevrez que ces réponses seront beaucoup plus larges, beaucoup plus choquantes, beaucoup plus nouvelles, alors que les réponses de votre ajusteur de pensée seront des réponses beaucoup plus planétaires, beaucoup plus normales, beaucoup plus accessibles. Oui, dans le sens que les réponses qui viennent du contact sont plus créatives, sont plus nouvelles, tandis que l'autre, ça reste dans le cadre d'une programmation déjà existante, l'ajusteur de pensée, si je vous suis bien, là. Oui, c'est ça. Et par exemple, pour vous donner une idée, qu'est-ce que j'avais demandé au contact, puisque j'avais un contact qui était à ce niveau-là, je me suis dit, autant lui poser une question où il va avoir de la difficulté un petit peu à répondre, ce qui est un petit peu plaisant. Je lui ai demandé comment se fait-il qu'on voit de temps en temps comme un objet qui tombe lentement, alors que ça tombe à vitesse normale, ou une voiture qui va vous percuter, qui arrive lentement, lentement, et qui vous percute à la fin, ou un animal que vous allez percuter, que vous voyez qui n'en finit pas d'arriver sur votre voiture, qui n'en finit pas d'arriver sur vous. Et d'où ça vient cette impression et cette sensation? Est-ce que vous nous mettez dans du coton? Voilà la question que j'ai posée. Est-ce que c'est une illusion? Quel est le travail que vous faites avec le temps là-dessus? Et la réponse qu'il m'a dit était simple. Il m'a dit simplement, vous avez contact avec l'esprit et votre esprit se dilate beaucoup plus rapidement que ne se dilate le temps. Ce qui explique que comme vous avez l'action qui est en relation avec le temps et que cette action est coincée dans un espace-temps qui forme des petits paquets, vous avancez beaucoup plus rapidement que n'est cette action-temps réunie. Donc votre esprit se dilatant beaucoup plus vite et beaucoup plus grandement que le développement de ce temps-action et cette action-temps, c'est uniquement pour voir si vous allez mourir ou si il va vous arriver quelque chose de traumatisant. C'est uniquement comme ça que ça a été créé. Et votre esprit se dilate à la mesure de ce mouvement. Voilà. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont fait comprendre, parce que souvent, c'est pas avec des mots qu'on peut vous expliquer ça, mais il vous le fait comprendre en vous montrant, en vous dilatant brutalement, clac, et quand vous aurez les clés qui vont tomber par terre, ou un paquet, ou une bouteille qui tombe par terre, et que vous n'arrivez pas à rattraper, mais que vous voyez tomber lentement, généralement, ça arrive à tout le monde, ça vous est peut-être pas arrivé, mais ça arrive à tout le monde, et vous penserez à ça, c'est que vous vous dilatez, c'est vous-même qui avez votre esprit qui se dilate, non pas votre âme, mais votre esprit, dans la mesure et dans la crainte de voir un petit peu ce qui va se passer après, parce que vous n'avez pas été prévenu. Ben, c'est sûr qu'en lien avec ça, ça me fait penser à des séquences de films. Il y a plusieurs films présentement qui, avec la technologie, vont mettre l'emphase sur des moments au ralenti, hein, qu'il y a des combats, par exemple, des fois entre différentes personnes. Je pense entre autres au film La Matrice, où on voit Néo, le personnage principal, qui évite les balles, puis on voit les balles de fusil qui passent à côté de lui au ralenti. Ce type de séquence cinématographique me fait penser exactement là, ce que tu viens de mentionner, là. Mais moi je parle de vécu, mais c'est vrai que c'est une forme d'application. Alors que, bon, dans Néo et dans la Matrice, l'individu fait plus de la gymnastique rapide que de la dilatation d'esprit. Tandis que là, vous restez assis dans votre siège en train de voir le véhicule qui va vous percuter et qui arrive en face de vous. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est à ce moment-là avoir une dilatation d'esprit et voir que ça ne va pas être grave. C'est ça l'intérêt, c'est le résultat. Le résultat, c'est de dire, ah tiens, j'ai la clé qui est en train de tomber et ça va percuter mon pied, ça va me faire très mal. Et vous vous préparez à cette douleur. Le fait de vous préparer à cette douleur et de savoir que ça va se passer comme ça et que vous n'allez pas pouvoir retirer votre pied ou que vous n'allez pas pouvoir vous retirer de la voiture au moment de la percussion fait que vous restez dans votre corps et vous tombez pas dans les pommes ou vous tombez pas dans un état second ou un état de spasmophilie ou un état de ceci ou de cela Mais qui qui vous diminuerait, qui vous empêcherait de réagir. Par exemple, si la voiture après se met à flamber, vous ne pourrez pas sortir du véhicule si vous êtes dans les pommes. Tandis que si vous avez pris le temps de voir avec votre mental que rien ne vous arrivait, ben vous serez prêt à sortir de la voiture. Ouais, ça nous ramène au phénomène de la centricité, c'est-à-dire d'être capable d'observer des événements qui peuvent arriver sans se laisser déstabiliser par ça, puis rester froid dans le mental. Donc, d'avoir une certaine imperturbabilité à l'égard de l'événement, un peu à l'image du contact qui est au-delà de la forme. Disons que dans la centricité, ce qui est intéressant, plus que de se préparer, c'est d'être passivement en état d'équilibre. Parce que quand on parle de centricité et de pouvoir appréhender des événements au travers de sa centricité, on évoque le fait d'aller dans son centre de gravité pour pouvoir se stabiliser, c'est-à-dire d'avoir un effet volontaire. Or, on va s'apercevoir d'une chose au cours de l'évolution, c'est que l'individu, plus il évolue, et moins il est volontaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez besoin d'être centré et d'être dans vos chaussures vraiment bien lucides, vous allez le faire d'une manière passive. Vous n'allez pas le faire d'une manière active, c'est-à-dire ni d'une manière volontaire. Parce qu'une manière volontaire, ça voudrait dire que le fait d'aller dans votre centre de gravité, c'est que vous allez pouvoir en sortir de votre centre de gravité ou quelque chose va pouvoir vous pousser. Alors qu'il faut que vous soyez sans arrêt centré dans votre centre de gravité, que ce soit une permanence votre centre de gravité, que vous n'ayez pas besoin de penser à votre centre de gravité et que ce soit lui qui vous accompagne et lui qui serve de point d'appui permanent à votre être complet. Oui, exactement, que ça devienne un automatisme, que la personne est naturellement centrique, donc son état par défaut, ça soit une centricité qui s'installe à mesure qu'elle intègre l'énergie du contact. C'est ça. Donc, à ce niveau-là, c'est sûr que ça devient intéressant dans le sens que la personne peut face à des événements qui peuvent lui être présentés à une vitesse extrêmement ralentie dans sa vie, sans que la personne réagisse, soit en état de réactivité émotionnelle par rapport à ça. Ouais. Parce que vous remarquerez une chose qui est intéressante, c'est que quand vous êtes dans votre centre de gravité et qu'on vous percute, quel que soit le choc, si c'est un choc mental, si c'est un choc émotionnel, vous sentez votre corps émotionnel qui bouge alors que vous ne bougez pas. Et vous sentez cette dichotomie, cette division de l'individu qui fait que vous sentez que vous, ça ne vous fait rien et pourtant à l'extérieur, ça bouge. Comme Bernard me disait, moi une fois, quand j'ai été à l'enterrement de ma mère, j'ai vu que je pleurais. Or, moi, ça ne me faisait rien. Et ces formes de dichotomie sont présentes comme ça parce que vous avez votre centre de gravité qui vous maintient et il n'est plus question de vous laisser partir à droite ou à gauche. Par contre, vos corps, que ce soit votre corps émotionnel, lui, il part comme il veut, il s'enflamme comme il veut et vous avez beaucoup de difficultés à retenir un corps émotionnel qui est en fait un corps du vidange. C'est au travers de ce corps que vous allez pouvoir vidanger vos énergies un petit peu trop vibrantes ou trop flambantes et qui n'ont plus rien à faire avec votre vie et avec votre état. Parce que vous apercevrez que l'état vibratoire ou l'état émotionnel, ça peut être intéressant de temps en temps pour être en harmonie esthétique avec l'environnement, mais c'est pas très utile. Et vous apercevrez que vous préférez être calme et paisible sur votre centre de gravité que d'être un petit peu agité à rire ou à pleurer à la mesure de ce que prononcent ou de ce que font les gens dans leur vie en accord ou en désaccord avec la vôtre. Oui, exactement. Parce que c'est sûr que le corps émotionnel peut nous amener à dilapider nos énergies vitales. puis de rire, de pleurer, puis de vibrer continuellement de l'émotion, ça consomme une quantité incroyable d'énergie qui pourrait être mobilisée ailleurs à des choses plus créatives. Ensuite, pour continuer dans la question, donc ça c'était, il y a eu donc l'ajusteur de pensée, puis le contact, Oui. et ensuite il y a les entités. Alors, en ce qui concerne les entités qui se trouvent, comme on peut le voir, dans un corps émotionnel, et qui vont dans ce corps émotionnel, soit pour un oui, pour un non, vous entraîner des pleurs, vous entraîner des rires, comme on le voit chez certaines personnes qui se mettent à rire ou à pleurer pour la moindre chose, ou à être présent dans un mental qui vous oblige sans arrêt à réfléchir, à ne pas être présent dans votre vie. Ou être dans un état astral qui va vous motiver à faire du rêve éveillé, à être sans arrêt dans un état plutôt flou, et où vous préférez vous appuyer sur un rêve plutôt que sur une dure réalité. Tous c'est comme ces entités qui sont aussi dans des corps de désir. Qui vont vous pousser et vous booster vers des choses auxquelles normalement vous n'avez pas droit, et que vous allez, du moins ce que vous croyez, c'est que vous allez pouvoir dépasser vos droits. Et toutes ces entités, normalement, sont dirigées par une entité maîtresse. Il n'y en a qu'une. Elle est dans le mental. Elle est là pour diriger un peu les entités inférieures à aller dans un sens ou dans un autre. Ces entités sont souvent des entités de décédés. Elles changent. Ce qui est de particulier, c'est qu'elles changent lors de grands mouvements, que ce soit des mouvements météorologiques, des chocs de vie. Elles changent en fonction de votre non-attachement, c'est-à-dire que si vous êtes très très attaché à une entité, elle va rester. Si vous êtes très attaché à, je sais pas moi, l'entité de votre mère ou de votre frère, elle va être attachée, même si cette entité n'a plus une mémoire, c'est-à-dire n'a plus la mémoire de ce qu'elle était vis-à-vis de vous. Vous aurez la mémoire de ce qu'elle était, donc vous aurez la mémoire génétique de ce qu'elle était. Et l'entité, qui est une âme sans esprit, sans réflexion, vous allez pouvoir vous l'attacher par sa génétique vibratoire d'âme. Donc voilà, en gros, c'est à peu près les individus qu'il y a dans notre vie, auquel il faut faire un petit peu attention et qu'il faut remarquer. Je pense que je n'en ai pas oublié, bien qu'il y en a pas mal de gens qui gravitent autour de nous, mais ce sont les individus principaux. Est-ce que tu fais une distinction entre l'entité maîtresse, le contact et l'ajusteur de pensée? Ah, c'est pas du tout la même chose. La distinction, c'est que le contact, lui, va pas tellement tenir compte de l'entité maîtresse ni des entités qu'il y a, parce que quand il va commencer à être vibrant au-dedans de vous, ou que vous allez vibrer à la mesure du contact, les entités vont s'éloigner. Elles vont s'éloigner, d'abord elles vont être près de vous, et puis ensuite elles ne vont plus pouvoir venir vous interférer avec votre âme. Et au fur et à mesure que votre âme va se transmuter, va vibrer, elle va chasser toute connexion. C'est un peu comme si ça faisait sortir les parasites. Et l'ajusteur de pensée, lui, va pouvoir quand même garder la connexion avec vous, Tant que ça lui sert et tant que vous lui servez. Et tant que vous, il vous sert. Et tant que la vibration que vous avez n'est pas assez importante et assez intense pour ne pas vous dégager de votre programme. Parce qu'en fait, une chose est importante parce que une fois, j'ai posé une question au contact pour lui dire comment je peux faire pour me dégager de mon programme. D'une part, il m'a dit votre programme, ton programme, c'est toi qui l'as choisi, donc c'est toi qui t'en démerdes. En gros, c'est ça. Et le programme, c'est une sorte de pansement qui va servir à colmater un petit peu votre brèche, vos brèches d'âme. Et s'en dégager, c'est un petit peu comme s'enlever les pansements pour empêcher de guérir. Ça paraît totalement inintelligent, c'est pour ça que ça n'intéresse pas. Deuxièmement, disons que ces brèches que l'on a, au fur et à mesure qu'on les nettoie ou qu'on les guérit avec notre programme, on s'aperçoit d'une chose, c'est que à quoi, ce que j'ai posé comme question, c'est à quoi est relié notre programme. Pourquoi on est relié à notre programme? Qu'est-ce que c'est qui fait qu'il y a un lien avec notre programme? Et ils m'ont dit simplement, vous avez un état de polarité qui unit l'âme au programme. L'âme, vous pouvez la détacher de votre programme progressivement, simplement en coupant les liens de polarité. Et vous allez vous apercevoir d'une chose, c'est que quand vous avez des signaux de polarité qui viennent interférer avec votre âme, si vous coupez ça, au fur et à mesure, un, c'est sûr que vous allez avoir la paix, vous savez, c'est ce que certains hindous appellent le renoncement ou je ne sais pas quoi, enfin des trucs comme ça, et vous allez avoir une pause, un repos vis-à-vis de votre programme, mais vous allez être obligé de continuer votre programme. C'est un peu comme si vous étiez dans un train, mais vous ne regardez pas le paysage qui défile. Et ça, c'est une bonne technique si vous voulez un petit peu vous apaiser et vous sortir de votre système. Parce qu'il faut savoir que se sortir du programme, comme je disais tout à l'heure, c'est s'empêcher de guérir. Or, on est là pour guérir. On nous a mis sur cette planète pour guérir. Peut-être pas une fois, mais surtout en plusieurs fois, mais pour se soigner. Oui, ça nous ramène au principe du destin, c'est-à-dire que la personne vient sur Terre parce qu'elle a un destin à accomplir, une programmation, puis qu'à quelque part, faut pas qu'elle s'écarte de sa destinée parce que tôt ou tard, son destin va la rattraper, dans le sens que tant qu'elle n'a pas intégré certaines choses, ben puis elle fait de la fuite, elle fait du déni, ben tôt ou tard, elle va être obligée de voir certaines choses en pleine face pour évoluer, pour grandir. Et elle va même tomber malade si elle continue pas. Mais ce qui est, disons, ce qui est intéressant, je sais plus, j'ai perdu le fil là-dessus, mais ce qui est intéressant, c'est que l'ajusteur de pensée dans cette forme de programme, vous reste en contact. Et vous envoie les pensées qui vont être vos craintes, ce qui reste comme âme. Il va faire vibrer ce qui reste comme âme, comme faille d'âme, pardon, dans votre corps. C'est lui qui va les faire vibrer. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais Oui, lui ben va je faire vibrer comprends, ça c'est qu'il au va. travers de votre pensée. Ouais, je comprends, c'est qu'il va mettre en lumière, apportant notre intention, les failles d'âme, souvent des choses qu'on ne veut pas voir, qu'on fait de l'évitement, pour que, à quelque part, on les intègre, puis on les dépasse. C'est-à-dire qu'on triomphe de ces failles-là pour monter en vibration. Ouais. Mais le problème, c'est que ça ne peut pas être volontaire. Parce qu'une faille d'âme, par exemple, comme on va prendre la pulsion, les pulsions sexuelles, les pulsions d'achat, les pulsions, tout ce qui est pulsion, ça, ce n'est pas quelque chose de volontaire. On va arriver à les diminuer, on va arriver à faire en sorte que ça ne vous pollue plus la tête, ni que ça ne vous remplisse pas votre vie, mais lui va faire vibrer avec des idées, et vous ne pouvez pas ne pas voir vos failles d'âme. La personne qui est kleptomane et qui va voler dans des magasins, elle sait qu'elle vole. Elle ne fait pas du déni. La personne qui fait du déni sait qu'elle fait du déni. C'est ça qui est assez extraordinaire, c'est qu'elle sait qu'elle fait du déni, mais elle ne va pas dire qu'elle fait du déni par rapport à son déni. C'est-à-dire qu'elle va accepter son déni comme étant quelque chose de naturel, et que c'est l'extérieur qui la pousse à être malhonnête. Donc, toutes ces failles, elles sont sues. Il n'y a aucune faille n'est ignorée par l'individu. Ce n'est pas possible. Ouais, quoique il y a des gens qui sont moins conscients que d'autres. C'est-à-dire qu'il y a des gens, si on pense à des gens qui ont des problèmes de santé mentale très lourds, ils sont plus ou moins en contact avec la réalité, tu sais. Oui, il y a certains qui ont de gros problèmes psychiques, mais les problèmes psychiques à ce moment-là, il faut. Le problème de l'état psychiatrique, c'est que si l'on voulait vraiment accompagner ces gens et les guérir, il faudrait premièrement être certain que leur âme est toujours présente dans leur corps. Premièrement, ça, c'est ce qu'il y a de plus important, parce que souvent, l'âme n'est déjà plus présente dans le corps, et ce sont des entités qui s'amusent. Deuxièmement, si l'âme est présente, un, faudrait arrêter de lui balancer des neuroleptiques, des psycholeptiques, des psychodyseptiques, et tout un tas de médicaments qui font qu'elle n'a plus la notion de réalité et la notion de fréquentation. Troisièmement, faudrait être capable de pouvoir rentrer en même temps dans son mental, et de pouvoir chasser l'entité, ou de rencontrer les entités qui font en sorte que cette âme soit perturbée. Il faudrait être capable de rencontrer l'âme dans le corps dans lequel elles sont. C'est-à-dire que l'entité qui va être dans un corps de désir, sur 80% des malades psychiatriques, va faire en sorte que le désir, ça sera de détruire cet individu, ou de le tuer, ou de le mordre, ou de le violer sexuellement, ou de l'empêcher d'être soi, de le travailler mentalement, si elle va se projeter dans un mental. Parce que le problème, il faudrait être capable. Et ça, vous pouvez le faire tant que vous êtes conscient. Le problème, c'est qu'il faut éviter pour chaque individu d'être dans plusieurs corps à la fois. Parce que si vous êtes dans plusieurs corps, vous laissez la libre circulation aux entités d'aller d'un corps à l'autre sans que vous ayez le contrôle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes dans un corps mental et que vous pensez à rêver, c'est-à-dire que vous mettez en contact votre corps mental avec votre corps astral, et vous allez faire du rêve éveillé. Ok, pour certains, c'est très très joli de faire du rêve éveillé. Ça permet d'être dans un autre monde, tout en étant dans notre réalité. Mais c'est une réalité qui est complètement foirée, foireuse. Donc, tout ce que vous rencontrez au niveau astral, vous le mélangez dans votre état mental. Et un jour ou l'autre, vous risquez d'avoir des problèmes de lucidité et des problèmes d'équilibre mental. Parce que l'entité qui va prendre la place va mélanger en même temps que vous, dans votre âme, va se mélanger les pinceaux dans les états et dans les corps. Bon, vous savez que chaque corps a son programme, et donc si vous mélangez les programmes avec votre état mental, avec les entités, avec votre âme, vous allez complètement perdre la raison. Et donc, déjà, il faut se séparer du corps émotionnel comme on se sépare du corps astral, et séparer vraiment tous les corps les uns des autres. Et éviter, comme je disais, par exemple, d'écouter de la musique. Je ne sais plus à qui je disais, à une Québécoise, d'éviter d'écouter de la musique pendant qu'elle fait des mathématiques, ou pendant qu'elle fait des travaux mentaux, ou de faire du ménage, mais qu'elle écoute sa musique quand elle est au repos, évitez d'écouter de la musique quand vous allez vous endormir, ou de vous endormir avec de la musique. Évitez de. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut éviter de mélanger ses Ben, corps. attends une minute, c'est parce qu'il part de la musique douce que la personne peut écouter avant d'aller s'endormir, puis ça peut la préparer au sommeil. Ça peut la préparer au sommeil, mais il ne faut pas qu'elle s'endorme avec. Pourquoi? Parce que ça ne permettra pas pour elle de voir la liaison qu'il y a entre le sommeil et la réalité. C'est-à-dire, le sommeil, c'est un changement de corps. Vous changez de corps, vous allez dans un corps astral. Or, si vous écoutez de la musique dans la réalité, dans la vie de tous les jours, en état d'éveil, vous allez mélanger votre corps astral, c'est-à-dire vous allez mélanger votre état de sommeil avec votre état de veille. Et vous allez être dans un état moins vigilant. Et d'ailleurs, vous allez vous apercevoir que quand vous écoutez de la musique et vous faites du sport, c'est-à-dire que vous mélangez votre corps physique avec votre corps astral ou votre corps mental, vous êtes plus vous-même et vous êtes plus à même de tomber, de vous faire mal ou de vous tromper de chemin ou etc., etc. Vous n'êtes pas centré. Donc, le fait d'être centré et d'être bien conscient, il faut en faire en quelque sorte de faire une chose après l'autre sans le mélanger. C'est un peu comme on m'a mis quelque chose pour voir la 3D, vous savez, devant les yeux là, parce que je faisais des essais pour que les gens puissent être moins stressés et voir si à travers ça, on pouvait être moins stressé. Et on s'aperçoit que la personne qui me tapait sur l'épaule pour me dire si ça allait, comment je le sentais et tout ça, faisait que je ressentais qu'il y avait de monde. Et quand je suis sorti de là, j'avais des nausées. J'avais des nausées parce que j'étais obligé de me mélanger dans deux corps à la fois. Et j'ai pas pris son appareil parce que c'est très délétère, sauf peut-être pour l'individu Mais qui c'était va des pouvoir. lunettes en trois dimensions? Oui, ce sont les trucs à trois dimensions, avec les écouteurs, OK, avec un casque, là, en trois avec un dimensions casque, pour les avec vision yeux, à les 3D, écouteurs aussi, OK. où vous commandez dedans, rien qu'avec votre vue, rien qu'avec les yeux, vous commandez ce qui doit se faire, c'est automatique. Donc, ce genre de choses, il faut le réserver à des gens, par exemple, qui vont être endormis, ou à des gens qui vont être mis dans des états de relaxation particulière. Mais faut surtout pas s'en servir pour s'endormir, surtout pas s'en servir pour essayer d'échapper votre vie. Non, non, Échapper il ne faut pas que ça de la serve de fuite. Sauf que le point que je voulais faire, c'est qu'une personne peut, par exemple, écouter de la musique douce avant de s'endormir, arrêter la musique, puis d'aller se coucher, bien entendu, pour couper le lien avec la musique, pour ne pas être imprégné de ça, pour bénéficier d'un sommeil réparateur qui ne sera pas entaché des formes là, qui sont présentes dans la musique. Ouais, parce que sinon vous allez avoir en même temps un état de comment dire de un état conditionnel, un réflexe conditionnel qui va faire que chaque fois que vous allez entendre cette musique, vous allez avoir tendance à vous endormir. C'est bien dans la mesure où vous êtes près de votre lit, mais si vous écoutez votre musique en train de conduire, vous allez avoir exactement le même réflexe. C'est-à-dire que vous allez avoir tendance à vouloir vous endormir. Oui, exactement. Mais c'est sûr que la musique peut servir à plusieurs choses. Moi-même, des fois, je vais m'entraîner au gym, en salle d'entraînement, et je vais écouter de la grosse musique heavy metal pour me stimuler, pour me mettre dans l'esprit du mouvement. Mais le problème d'écouter de la musique qui est hyper stimulante et tout, c'est que c'est pas vous. C'est l'extérieur qui vient vous percuter pour vous booster. Après, il ne faut pas s'étonner d'être stressé par l'extérieur. Si on devient une éponge de l'extérieur, automatiquement, on sera une éponge pour tout. Si vous voulez ne pas bénéficier des entités externes, il faut éviter de se mettre en état de ponction d'extérieur. Donc, si vous voulez faire votre gymnastique, faites votre gymnastique avec votre propre volonté, avec votre propre corps, avec votre propre désir ou avec votre propre mental, mais essentiellement avec vous. Parce que tout ça, tout l'extérieur, en tant que musique, art, métal, etc., ça ne vous appartient pas. Ça vient pour vous stimuler ou vous rendre complètement dépendant de quelque chose qui n'est pas vous. Oui, non, je comprends ce que tu veux dire. C'est sûr qu'idéalement, il faut que ça émane de notre intérieur vers l'extérieur et non pas le contraire où ce qu'on absorbe l'extérieur, parce qu'à ce moment-là, ça nous garde dans une espèce d'état de dépendance, parce que si la personne dépend d'écouter de la musique heavy metal pour s'entraîner, ben, elle n'est pas libre. Oui, mais c'est un peu comme vous voyez les gens qui marchent, après, qui marchent avec des écouteurs, après, ils sont conditionnés par cette musique. Et vous les voyez galoper avec leurs écouteurs. OK, il y a des gens qui ont dit, il faut mettre les écouteurs, comme ça vous ne serez pas achalés par des jeunes qui viennent vous embêter ou vous essayer de vous draguer ou de vous absorber ou de vous déranger. Donc, il faut faire celles qui sont isolées pour pouvoir continuer à faire son exercice. Mais on va suivre un programme. On suit un programme. Même si on s'entraîne, on suit une programmation. Et s'il y a des gens qui veulent vous assassiner ou s'il y a des ours qui vont vous galoper après, d'une part, vous les entendrez beaucoup mieux si vous n'avez pas les écouteurs, et d'autre part, vous serez à même de peut-être pouvoir réagir, et ça sera peut-être le moyen de ne pas mettre fin à votre vie à ce moment-là. Oui, bien c'est sûr que la personne qui n'écoute pas de musique est davantage en mesure d'être présente et de corps et d'esprit à ce qui se passe. Tandis que souvent, quand les gens écoutent de la musique, ils risquent d'être présents de corps, mais pas d'esprit, parce que leur conscience est absorbée par la musique. Ouais, c'est une des raisons. Ouais, c'est ça. Fait que c'est ça, ouais, ça diminue la vigilance, c'est sûr, dans un sens, d'écouter de la musique. À ce moment-là, on est moins disponible à qu'est-ce qui est dans le ici et maintenant. Par contre, dans certains cas, ben c'est sûr que quelqu'un qui n'a pas le goût de se lever le matin parce qu'il fait noir au Québec, là, les heures sont raccourcies au mois de novembre. Des fois, ça donne un petit boost là, quand même, mais c'est sûr qu'il ne faut pas en abuser, là, ouais. Faut y aller avec modération et avec lucidité. C'est sûr que bon, on va me trouver anti-musique, anti, pas anti quoi que ce soit, mais c'est vrai que j'écoute de la musique que si j'écoute de la musique, c'est-à-dire dans un coin j'écoute de la musique. Mais je ne vais pas écouter de la musique en faisant 36 trucs ou 36 choses. Parce qu'après, par exemple, pour les études, les étudiants qui écoutent de la musique pendant qu'ils font des études au moment où ils vont avoir des problèmes à des examens ou à devoir rendre les examens, les problèmes vont devenir plus difficiles parce qu'ils vont avoir la sensation qu'il leur manque quelque chose. Ils vont avoir la sensation qu'ils ont trop de présence d'esprit dans le problème qu'ils sont en train d'examiner. Et avoir trop de présence d'esprit et trop de présence en soi, c'est un peu comme utiliser trop, comment dire, trop de mémoire avec un ordinateur, trop de choses pour quelque chose de petit. Et ça perturbe énormément les individus. C'est un petit peu comme surchauffer, c'est un peu comme être en excès. Or, il faut de la mesure. Il faut de la mesure pour appréhender notre vie. Et c'est cette mesure qui nous amène à se reposer sur notre centre de gravité. C'est pas de l'austérité, c'est de la mesure parce que à un moment ou à un autre, on va vous réclamer d'être présent. Mmh. Et cette présence, si vous l'avez jamais eue auparavant, mais si vous avez toujours eu un partage avec votre musique, vous allez être qu'à demi présent et vous allez être perturbé par la nouvelle présence que vous devrez, un, assumer et deuxièmement, faire face au stress que vous allez envisager. Il y a beaucoup de choses qui vont se bousculer chez vous à ce moment-là et c'est peut-être pas le moment. Oui, bien, souvent les gens ont perdu l'habitude de tout être là, tout être présent, notamment avec l'émergence des technologies modernes, dans le sens que on va, par exemple, à des activités, que ce soit aller dans un café, un restaurant, on voit souvent des gens qui, à tout moment, reçoivent des messages sur leur téléphone, leur smartphone, donc leur téléphone intelligent. Fait que ce rapport aux individus que bon, on est avec quelqu'un, la personne nous coupe la parole, elle va envoyer un message à quelqu'un, et ainsi de suite, où les gens sont jamais totalement là. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose en société par rapport à ce phénomène-là lié aux nouvelles technologies, où les gens sont de plus en plus absorbés par elles dans du virtuel, puis sont moins là réellement. C'est une division de communication. Et on a l'individu qui est avec son corps astral, qui est présent dans le téléphone, qui est dans le réseau social. Pour en revenir aux écouteurs et aux gens qui écoutent la musique, quand vous avez votre contact qui vous parle, parce que de temps en temps, il va vous envoyer une information, il va vous envoyer une phrase. Et cette phrase, c'est très important parce qu'en fait, cette phrase constitue le code de connexion. Comme on disait tout à l'heure, c'est la clé de connexion avec lui. C'est la clé d'échange. C'est-à-dire qu'il va vous donner la phrase, c'est son numéro de téléphone. Et si vous êtes 2 heures à vous interroger, mais est-ce que j'ai entendu ça, ou est-ce que c'était enregistré, ou est-ce que c'était dans ma musique? Ou est-ce que j'ai eu une interférence avec ça, alors que normalement, vous allez le sentir de l'intérieur, votre code. Et ce code, il faudra le redire pour pouvoir prendre contact avec votre double. Oui, le mentionner pour activer la connexion. Voilà. C'est comme se connecter avec un réseau pour se brancher, par exemple, à une connexion Wi-Fi. Il faut que la personne rentre un code d'utilisateur avec un mot de passe. C'est le même Et voilà, principe. il vous envoie le mot de passe. Et si à ce moment-là, vous prenez que la moitié du mot de passe, il ne faut pas vous étonner de ne pas pouvoir prendre la communication. Exactement. C'est sûr que, dans un sens, le fait qu'il y a la possibilité aujourd'hui d'écouter de la musique un peu partout avec des écouteurs, la musique est omniprésente. On peut aller ici au Québec dans des commerces, puis même dans les toilettes, il y a de la musique qui va jouer pour voir à quel point la musique est omniprésente. Est-ce qu'il y a comme une volonté de certaines forces de retarder la prise de contact des gens avec leur contact, c'est le cas de le dire, en mettant de la musique, du bruit un peu partout. C'est possible parce que le bruit entraîne, regardez, quand vous allez dans un magasin ou quand vous allez consommer dans un restaurant, on vous met de la musique et cette musique automatiquement, soit c'est une musique lounge, soit c'est une musique un peu rapide dans les restaurants type McDo, etc. Ça va stimuler votre vitesse de consommation. Dans les magasins, c'est simplement pour vous déconnecter de la notion de responsabilité et de la notion de comment dire, de voir que vous achetez trop ah, je ne sais pas comment on pourrait dire, Ben, ce que je de capte, c'est que la musique, dans le fond, nous déconnecte de notre contact avec la source puis de notre esprit critique. Puis à ce moment-là, on vit plus au corps de désir. C'est ça. On est plus que dans notre corps de désir. La musique amène une stimulation de notre corps de désir. Elle étire notre corps de désir, elle nous amène dans le système astral, elle nous amène dans ces deux corps de désir, et elle nous fait quitter notre corps mental. Un peu comme si on était des handicapés qui nous servons uniquement de la musique pour sortir de notre corps mental qu'on ne peut pas lâcher. Qui est trop présent et donc on nous pousse à aller dans le corps de désir et dans le corps astral pour faire, ou le corps émotionnel pour faire ce qu'on a de mieux à faire habituellement, c'est-à-dire se plaindre. C'est sûr que dans un sens, on peut dire qu'on est manipulé par la société, par les commerces, pour nous amener tout le temps à consommer tout le temps en plus. Ouais, c'est ça, c'est la consommation qui nous pousse à ça. Et ce qu'il faut, c'est que on évite ça. Alors, c'est sûr que la plupart des gens vont nous dire, oui, mais c'est pas une vie si on peut pas écouter la musique, si on peut pas faire la fête, si on peut pas. Je dis pas qu'il faut faire ça, simplement qu'il faut un petit peu programmer nos moments à faire des choses. Par exemple, comme on le dit souvent, votre travail, vous faites votre travail avec votre lucidité, etc. Et quand vous êtes en congé, vous faites votre supramental si vous avez envie. Mais il faut surtout pas mélanger les deux. Ça, je déconseille qui que ce soit de mélanger le supramental avec votre travail. Parce que si vous commencez à parler de ça dans votre environnement, si vous commencez à parler de ça avec des gens qui sont dans votre travail, vous risquez d'avoir de perdre votre travail, de tomber malade, ou d'avoir tout un tas de choses auxquelles vous avez pas du tout idée. Mais l'astral, là, va avoir une forme de manipulation sur vous. Parce que c'est pas le moment. Non, exactement. C'est sûr que si la personne sait intérieurement qu'elle n'a pas à parler de conscience supramentale à des collègues de travail, puis elle le fait pareil, là, elle risque d'avoir des répercussions par rapport à soi, là, soit des contre-chocs énergétiques, parce que l'énergie supramentale peut bousculer les gens qui, en contrepartie, peuvent vouloir être en conflit avec nous autres, là. Et c'est comme ça que rappelez-vous une chose qui est importante. C'est que quand vous avez fait du supramental, quand vous avez eu accès à votre contact, c'est que vous êtes dans un état de reflet, un état miroir. Et ces états miroirs font que les individus se voient et voient la faille à travers vous. C'est-à-dire que ce qu'ils voient en face d'eux, c'est pas vous, c'est eux. Et eux, dans leur plus mauvais côté. Donc, il y a souvent des états de haine spontanée, des états de rejet spontané. Donc, il ne faut pas vous étonner d'être rejeté. Alors, si vous leur donnez en plus accès en leur disant « Ouh, c'est moi qui suis le reflet, regardez-moi », vous êtes sûr que vous allez avoir des gros problèmes. Oui, parce que si on Vous leur allez reflète une voir. réalité qui les confronte, c'est sûr qu'ils risquent de se mettre en opposition par rapport à nous autres. Ouais. Bon, s'il s'apprécie à 100%, il vous appréciera. Mais s'il s'apprécie pas à 50%, vous allez avoir pour 50% de rejet. Et 50% de rejet dans un travail, ça ne forme pas une unité, ça ne fait pas venir des clients, ça fait pas venir ça ne permet pas d'appliquer toutes les techniques que l'on a apprises. Oui, exactement. C'est sûr que la personne sur le milieu de travail, moi aussi, tout comme toi, j'ai comme pour mon dire que la personne ne parle pas ouvertement du supramental, surtout à des gens qui ne sont pas concernés par rapport à ça, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas à vivre ça dans leur incarnation présente, puis peut-être ça va être peut-être dans leur cas dans d'autres incarnations, là, dans plusieurs siècles, qui vont être confrontés à cette réalité. C'est pas marqué dans le programme, le supramental, d'accord? C'est pas du tout, comment dire, quelque chose qui est intégré au niveau au niveau comment il s'appelle? Au niveau de l'ajusteur de pensée. Donc, lui, il est pas prêt non plus. Mais tout le monde a accès à ce qu'on pourrait appeler le supramental, tout le monde a accès à la possibilité d'avoir un contact. Simplement, il faut faire en sorte que ce contact ne soit pas déifié, ne soit pas adulé ou un moyen de tomber en religion, en une autre forme de religion. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'au travers du supramental, Bernard ait donné une Bible et que certains soient toujours en train de répéter la prière en répétant exactement tout ce qu'il a dit ou tout ce qu'il a fait dans ses conférences et se sentent supérieurs aux autres parce qu'ils auront répété leur prière. Non, je comprends ce que tu veux en venir. C'est sûr qu'il ne faut pas que les gens se comportent comme étant des disciples de Bernard qui vont réciter les propos de Bernard comme autrefois les chrétiens récitaient les paroles de l'Évangile. C'est ça. Oui, bien, tout peut être récupéré par le plan astral, donc notamment l'instruction supramentale. Puis il y a là, des gens qui peuvent s'attacher aux formes qu'a amené Bernard, puis là, à ce moment-là, être piégé par ça en croyant se libérer de l'astral. En s'identifiant à ces formes-là. Fait que tout peut être récupéré, mais en même temps, c'est sûr que c'est intéressant que des gens puissent canaliser aujourd'hui du nouveau matériel, puis de poursuivre le travail qui a été entamé par Bernard en allant toujours plus loin dans la compréhension et l'étude du réel. Donc, c'est sûr que c'est intéressant que Bernard ait initié le mouvement. Puis c'est en l'est encore plus que si aujourd'hui il y a des gens qui peuvent parler, peuvent véhiculer une information nouvelle. C'est sûr que pas diffuser nécessairement aux collègues de travail, mais à des gens concernés, par exemple, sur Ouais. Internet. Intéressé, ouais. Exactement. C'est pour ça que ce que je trouve intéressant, c'est de pouvoir amener de l'énergie, amener de la connexion avec l'énergie, parce que j'amène même pas l'énergie, mais pour voir que les gens puissent surfer eux-mêmes sur leur propre énergie. C'est ça qui est intéressant, c'est ça qui est le plus important. Après, qu'on ait de l'information, qu'on donne des petits trucs. C'est ça, mais de toute façon, si la personne est en contact avec son énergie, elle va être capable elle-même de générer de l'information pertinente. Ouais. Elle n'aura pas besoin qu'une autre canalise pour elle l'information parce qu'elle va pouvoir être branchée au savoir. C'est ça. Mais elle ne trouvera pas le savoir. Le savoir n'a d'intérêt que dans la mesure où on en a besoin. Et par exemple, vous allez vouloir savoir à quoi sert ceci ou à quoi sert cela dans la mesure où vous en avez besoin. Si vous n'en avez pas besoin, vous n'avez pas besoin de ce savoir-là. Savoir qui est qui, que des individus existent, vous en aurez besoin, vous aurez besoin de savoir qui est votre ajusteur de pensée, dans la mesure où vous serez en lutte pendant quelques années avec lui, jusqu'à ce qu'il s'en aille, auquel cas vous n'aurez plus besoin de ce savoir à ce moment-là. On a besoin du savoir que si c'est pour une lutte, pour cette information uniquement pour pouvoir se protéger quelque part. Alors que au moment où vous commencez à intégrer votre énergie, à intégrer votre contact, le savoir, vous en avez plus besoin, il est intégré. Mais ici, je voulais faire une distinction entre le terme savoir et connaissance, dans le sens que connaissance, en ce qui me concerne, c'est ce qui fait référence à des formes, des informations, tandis que savoir, c'est plus une vibration qui peut être émanée par l'individu qui permet de générer des formes nouvelles de la connaissance. Pour moi, la connaissance, c'est un sous-produit du savoir. Qu'est-ce que tu en penses? Le savoir, c'est l'intégration d'une nouvelle vibration qui se mélange avec notre être et l'amène à un niveau vibratoire supérieur à celui qui était auparavant. La connaissance, c'est un état vibratoire qui va se mettre sous forme de mémoire et qui va vous scléroser et qui va vous amener à vous alourdir et qui devrait être dans tous les smartphones. En fait, on a Google qui sert de connaissance. Ça ne sert pas de savoir. Le savoir, c'est votre état nouveau, votre état vibratoire nouveau qui va servir de pierre angulaire, de petite construction de votre état et qui va vous amener vers une transmutation, vers un basculement, vibratoire. La transmutation, on pourrait dire, ouais, que c'est un basculement vibratoire. Vous changez. Ouais, ce sont un changement énergétique, tandis que d'accéder à une connaissance, ça ne change pas nécessairement le taux vibratoire d'une personne. Ça vous alourdit. Une connaissance, ça vous alourdit parce qu'il faudra s'en rappeler. Ouais, si Sinon, on a à la elle... mémoriser. Donc, la mémoriser. Et si on mémorise une énergie, automatiquement, on la dessèche et on la met sous forme lyophilisée. Et dans le mental, en étant lyophilisé, il va falloir remettre de l'énergie pour la réactiver. Et la réactiver, ça fait baisser votre corps vital. Parce que tout ce qui est remis dans le timing et absorbé par votre corps vital. C'est-à-dire que si vous êtes sans arrêt à essayer de vous remettre dans un état de conscience actuel et présent, vous le pompez sur votre corps vital. Et votre corps vital, si vous éloignez de lui par des comprimés, des psychotropes, automatiquement, vous allez avoir votre corps vital qui va fatiguer, qui va devenir très, très, très, très lourd et vous allez tomber malade. C'est obligé. Et pas automatiquement dans la cervelle. Vous allez tomber malade physiquement. Vous allez avoir une maladie. Vous allez avoir un cancer. Vous allez avoir quelque chose qui fait que le fait de dissocier votre corps et d'entraîner. Je ne sais même plus ce que je disais. Quand tu prends des psychotropes. Ouais, et de. Bon, peu importe, je sais plus ce que je disais. C'est pas grave. Non, mais en lien avec ce qui était mentionné, c'est sûr que d'utiliser la mémoire, ça nous dilapide beaucoup d'énergie vitale. C'est ça. C'est dévitalisant. Ça réclamait beaucoup d'énergie vitale. Et le fait de réclamer beaucoup d'énergie vitale, tous les gens qui vivent dans leur passé, toutes les personnes qui vivent dans leur passé, dans les événements passés, qui réactivent ça, ont besoin d'un corps vital qui s'alimente en permanence et qui soit présent en permanence. Alors souvent, ce sont des personnes qui vont compenser par de la boulimie ou inversement, par de l'anorexie. En dehors du fait qu'il y a une entité qui s'y greffe dessus, et par exemple, comme dans la boulimie, l'entité va apparaître comme mince, et inversement pour l'anorexie, l'entité va se montrer devant le corps mental comme grosse, sans arrêt, et donc va la forcer. Mais l'individu qui va tirer sur sa mémoire va être obligé sans arrêt de tirer sur son corps vital et va tomber malade. C'est pour ça qu'on a souvent des individus qui tombent malades avec certains débalancements de l'énergie. Ça, c'est pas tout à fait ma classe, là, le yin, le yang, il y a des gens qui vont vous expliquer un petit peu les circulations d'énergie dans le corps vital et vous expliqueront pourquoi vous tombez malade. Oui, exactement. Mais quoi qu'il en soit, le fait de vivre en fonction du passé, du mémoriel, de la forme, empêche l'accession à l'individu à de l'énergie nouvelle pour le vitaliser, le redynamiser. Fait que si la personne vit tout le temps au passé, c'est sûr que ça alourdit, puis à quelque part, ça l'amène à connaître une usure prématurée. Hein? Ouais. Alors que le corps vital est là pour nous permettre d'être dans le présent. Exactement. Et c'est sûr que présentement, dans une période où les gens ont accès à beaucoup de mémoriels à travers Internet, il y a des quantités incroyables d'informations et c'est toujours en augmentation, que ce soit des articles, des vidéos, des films. Il y a beaucoup, beaucoup de choses et ça devient extrêmement facile de s'y perdre. Et vous remarquerez que les gens, au fur et à mesure qu'ils utilisent leur corps vital, ils vont plus facilement dans la dépression. Parce que si, à l'état normal, il est normal d'être dépressif, je dirais normal entre guillemets, c'est-à-dire que votre corps, votre âme est un petit peu compressée dans l'état de dépression. Elle est compressée et elle va servir à faire de la place normalement pour accueillir de l'information. C'est-à-dire que l'individu qui est connecté avec son double, dès qu'il va avoir des sensations de dépression, des sensations où il en a assez, eh bien, dans les jours qui viennent, il va avoir une information nouvelle ou une information de son contact qui va l'amener à retrouver son niveau équivalent vital, un niveau normal de lucidité. La dépression, en général, c'est l'excès d'énergie dans notre programme. Cet excès d'énergie dans notre programme, comme vous savez, l'énergie qui rentre dans un programme, c'est une énergie de mal. Automatiquement, le mal vient un petit peu comme déliophiliser notre programme. L'énergie de bien vient amenuiser cette énergie de mal, c'est-à-dire vient alléger. Et si vous restez sans arrêt dans un état passif, vous restez dans un état où votre vitalité va être pompée par votre état passif, c'est-à-dire votre état mémoriel à réactiver, et va être pompé par votre état de présence et votre état dépressif. Il va vous donner un état dépressif deux fois plus intense. Et donc, va vous pousser au suicide parce que votre contact ne saura pas comment réactiver votre état normal, parce que il y aura trop de fuites. Il n'y aura pas assez de prise en conscience de ce qui se passe. Et si vous envoie des informations, vous allez les écouter, mais vous allez les mettre en mémoire, donc vous aggraverez votre état vital. Ouais, c'est sûr, si la personne s'enlise dans un état de dépression, de léthargie. Ouais. Exactement, mais c'est sûr que si la personne est capable de voir clair quand elle commence à s'enliser, puis monter en vibration, puis en contestation, ben là, à ce moment-là, elle peut faire éclater les formes qui ont tendance à l'enliser. Donc, ces formes mémorielles. Mais ça sera un événement passif, ça se passera en permanence. Ça ne sera pas un événement actif où on dira, je veux faire péter les formes de ma mémoire, je veux ne plus penser à ça, je veux ne plus. Ça sera naturel. Voilà. Ça sera un état naturel. Ça sera un état de présence naturelle qui fera que votre contact sera votre deuxième corps vital. Sinon, dans un autre ordre d'idée complètement, j'étais curieux de savoir si, par rapport au phénomène de l'autisme qu'on entend de plus en plus parler en société, en Occident, s'il y avait des raisons occultes par rapport au fait que présentement, de plus en plus dans les médias, on entend parler de ça. Il y a des gens qui sont diagnostiqués avec de l'autisme alors que ce n'était pas le cas il y avait 30 ans ou 60 ans. Il faut voir aussi que l'autisme. J'ai un confrère qui travaille avec des autistes et il s'est aperçu que beaucoup d'autistes, en fait, sont des gens qui étaient malentendants, sont des jeunes ou des jeunes enfants qui étaient malentendants. Et au travers du fait de leur rendre l'audition, ils les ont guéris de l'autisme. Et l'autiste. Au lieu d'appréhender un milieu agressif avec lequel il doit négocier va être deux fois plus sollicité, deux fois plus agressé par les smartphones, par toute l'information qu'il y a, et va se retrouver à se retirer de cet espace, à se retirer de ces réseaux sociaux qui ne font que l'agresser, qui ne font que le percuter. Regardez le nombre de fois où vous avez été choqué ou perturbé par des paroles reçues sur votre smartphone qui ne vous étaient pas destinées. Et vous avez tendance à vous recroqueviller sur vous-même, à couper avec votre milieu environnant. Et pas étonnant que vous soyez de plus en plus ciblé en tant qu'autiste. Et puis, à un moment donné, c'était l'Alzheimer. Maintenant, c'est l'autisme. Demain, ce sera autre chose. On démultiplie toujours la pathologie psychiatrique de façon à ne pas voir la réalité du problème contemporain, de ne pas voir la réalité du problème actuel. Et c'est quoi ce problème? Le problème actuel, c'est que les gens ne vivent plus dans leur vie, dans leur temps. Ils vivent dans le temps de quelque chose qui a été choisi par quelque chose d'autre, qui vient de l'extérieur. C'est l'obligation de faire ses courses, de regarder son smartphone, d'aller travailler, de faire ses qualités de vie, de faire de démultiplier la même quantité de choses dans une vie, alors qu'auparavant, ils avaient le temps. Tout le monde avait le temps. Tout le monde ne se sentait pas oppressé. On vivait dans un état de connexion avec les gens. On voyait les gens. Maintenant, vous croisez des personnes dans la rue qui ne vous connaissent pas, qui ne vous voit pas, vous pouvez vous promener à poil, il n'y aura personne qui va venir se retourner sur vous parce que vous êtes moins intéressant que le réseau social qu'ils sont en train de regarder. Le système, c'est on est tous devenus des autistes avec notre smartphone. On est tous devenus des gens qui sont des formes d'Alzheimer parce que on est plus dans l'instant de vision de ce que on va, de ce qu'on attend, de ce qui a été jeté sur notre téléphone en attente de la réponse que de dire bonjour à la personne qui va vous servir le pain ou qui va vous servir à manger. On est dans un monde qui n'est plus le nôtre. On est dans un monde où on nous a fait nous accélérer, où on fait en sorte d'être le premier qui va être choqué, c'est-à-dire vous recevez vos informations de tous les jours, vous recevez vos informations de vos proches, vous recevez beaucoup plus d'informations, ce qui fait que votre être n'est pas capable de les absorber toutes, donc il est obligé de surconsommer. C'est un peu comme si on était des obèses de l'information. Et on devient de plus en plus goinfre de cette information et on n'arrive pas à faire le régime. Non, exactement. Mais c'est sûr qu'en lien avec l'autisme, ça peut être intéressant d'aborder la possibilité que des gens soient plus sensibles qu'autrefois, qui, à ce moment-là, vu qu'ils sont bombardés de stimulus, ils vont plus se replier sur eux. Ils vont se sentir plus facilement agressés par l'environnement, alors qu'autrefois, les gens, il me semble, avaient plus des vibrations qui étaient plus lourdes, dans le sens que quelqu'un qui élève sa vibration, il va être plus facilement perturbable par des vibrations, de l'information bombardée, là. Puis surtout, c'est qu'avant, on disait celui-là, il est psychotique, celui-là, il est bipolaire, celui-là, il est schizophrène. Mais maintenant, on a des dérives de maladie, c'est-à-dire que la maladie, elle est fine, elle se développe et on se retrouve schizophrène, alors que on l'était depuis le début, mais à minima. Et on arrive de plus en plus à trouver le minima. Et plus on arrive jusqu'au début à trouver le minima, et plus on va s'apercevoir qu'en fait, tous les gens sont schizophrènes, en sachant que le schizophrène pour l'individu alpha, ou lambda, je veux dire, c'est quelqu'un qui voit plusieurs choses, qui voit des entités qui se mélangent à lui, qui est dans une forme de possession. Quelque part, c'est vrai, mais un schizophrène, c'est une âme déchirée. Donc, c'est schizophrène. Il faut bien voir que dans les plans astraux, ils sont laissés à l'écart par les autres entités. Elles sont laissées à l'écart par les individus qui les rencontrent. Elles ne sont pas remises dans un groupe, même si les individus dans l'astral ne sont pas des systèmes de groupe, mais des systèmes isolés. Mais elles sont rejetées. Et si vous avez accès à voir les morts, quand ils se promènent, les schizophrènes, ils ne veulent pas entendre parler. Et ils ne veulent pas les voir, les côtoyer, parce que pour eux, ce sont des gens. Et puis si on fait une étude de la schizophrénie, ce qui est intéressant, c'est que les schizophrènes, ce sont des gens qui, à l'origine, ont tellement nourri de haine qu'ils se sont déchirés et qu'ils ont accouché d'une forme d'égrégore qui est allé se propulser à l'extérieur, c'est-à-dire que leur corps mental s'est déchiré. Et comme une césarienne, comme un enfant, on a enfanté dans notre mental une forme de haine et de mal qu'on a laissé sortir, enfin, qui est sorti jusqu'à le construire dans un état de réflexion. C'est-à-dire que l'individu qui sort de votre mental, qui s'est déchiré, est devenu conscient pour pouvoir attaquer, qui est devenu conscient pour pouvoir posséder, qui est devenu conscient, quand je dis conscient, pas pleinement conscient, mais qui a assez d'intelligence et assez de conscience pour aller posséder un corps dans un hôpital psychiatrique. D'ailleurs, c'est là où vous voyez le plus de possession. Mais on va pas mettre le mot possession, parce que qui dit possession dit voir ce qui est possédé. Et si, par exemple, on disait cet individu est possédé, on dirait cet individu est possédé parce qu'il a une entité qui ne lui appartient pas, qui n'est pas de son corps. Ce qui voudrait dire que vous êtes incapable de la faire sortir. Et si vous êtes incapable de la faire sortir, c'est que vous êtes incapable de faire votre boulot, c'est que vous êtes incapable d'être psychiatre. Donc c'est que vous ne savez pas soigner vos gens. Donc on ne va pas dire que cet individu est possédé. On va dire que cet individu a une pathologie psychiatrique, psychotique, bipolaire, tout ce que vous voulez. Oui, c'est ça, c'est qu'on va mettre des étiquettes. Mais en réalité, derrière ça, il y a une réalité énergétique qui est là. C'est sûr que présentement, la science, plus de tendance matérialiste, faut pas reconnaître tout ce qui est au-delà du plan physique, d'où le phénomène des entités ou de possession. C'est sûr que progressivement, les choses sont appelées à changer, notamment avec l'apparition de la physique quantique. Mais encore là, ça va sans doute prendre beaucoup de temps avant que la mentalité change là, dans le milieu hospitalier ou psychiatrique. Mais en ce qui concerne la physique quantique, Oui. on n'a pas trop le temps là parce que on commence à être un petit peu fatigué. Mais disons, on va en parler, on en parlera sur la. C'est un problème du programme, et c'est un problème de tout ce qui est, que ce soit les programmes de fermeture ou les programmes d'ouverture, les programmes de décodage, tout ça. Ça a une grosse relation avec la physique quantique. Et ça vous expliquera pourquoi on tombe malade, pourquoi en pensant suivre notre programme, on peut tomber malade, à quoi ça sert la maladie. Et toutes ces choses sont en relation souvent avec l'état quantique. Mais il ne faut pas en faire non plus une finalité, parce que ce que l'on voit actuellement sur la physique quantique, quand on va le regarder d'ailleurs, s'aperçoit que ça n'a plus cours. Si par exemple vous commencez à étudier le temps, on pourra étudier le temps et vous allez vous apercevoir que le temps, c'est pas du tout ce qu'on croit. Pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. C'est pas du tout ce qu'on croit. Et que le fait d'étudier le temps, ça va vous amener à justement à pouvoir le prendre. Oui, mais c'est sûr que bon, la physique quantique, c'est quand même complexe. Mais pour en revenir à l'autisme, parce que tantôt j'avais posé une question, c'est que de plus en plus, il y a des gens qui sont diagnostiqués. Et puis, on voit aussi que il y a de plus en plus des préoccupations par rapport à ça. Puis, ça fait penser un peu à l'émergence aussi du trouble de déficit de l'attention. Donc, il y a des pathologies ou des problématiques qui semblent être en émergence en société. Puis ça peut être intéressant de voir qu'est-ce qui se passe présentement dans nos civilisations pour que ce type de phénomène prenne autant d'ampleur, là. Bon, disons que si, imaginez que les autistes soient des gens qui viennent d'un monde qui soit complètement différent du nôtre. Par exemple, des mondes plats, par exemple. Quand ils vont se retrouver sur notre planète ronde, déjà, ils n'auront plus la même notion de réalité. Ils n'auront plus la même notion de connexion, de communication. Le fait d'en avoir beaucoup, vous savez que les individus qui viennent des autres plans ou les individus qui viennent des autres planètes nous amènent leurs malades psychiatriques. Généralement, on est tous des malades psychiatriques parce qu'on est tous des malades avec des failles. Et donc, toutes ces failles font que on se retrouve avec une pathologie psychiatrique qui est à minima, mais qui est présente. Et si vous regardez vous-même, vous allez vous apercevoir que la pathologie psychiatrique existe alors que vous, c'est à minima. Par exemple, l'individu qui a des pulsions, on va le retrouver dans une pathologie psychiatrique. L'individu qui a une bipolarité à minima, c'est-à-dire qu'il va être soit trop exubérant, soit souvent dépressif, on va le retrouver dans un trouble bipolaire, dans une vraie bipolarité, qui se soigne avec le lithium, qui se soigne avec des produits comme ça, et lui, s'il en prend, il va être mal. Donc, il aura cette pathologie à minima, mais il aura quand même cette pathologie. Et donc, tout le monde a cette même pathologie, même si elle n'est pas exprimée au niveau psychiatrique. Et elle ne s'exprime au niveau psychiatrique que quand on a ciblé, on a centralisé cette pathologie. C'est-à-dire que quand on l'a trop laissé se développer au profit des autres, ça devient une pathologie psychiatrique. Or, quand je parlais des failles, si vous avez cinq failles, vous allez être dans une pathologie neutre, je dirais, tandis que si vous en avez deux, vous allez être dans une pathologie psychiatrique, parce que les deux vont exhaler et exubérer tout le restant de votre corps. Oui, ça va créer un déséquilibre parce qu'il va y avoir de l'excès. Tandis que l'équilibre, d'un certain point de vue, c'est un ensemble de déséquilibres qui s'annulent parce qu'ils sont nombreux. Et c'est pareil pour l'autisme. Donc, les individus qui sont autistes et qui viennent avec une conformation d'âme un petit peu différente, qui arrivent difficilement à avoir une relation normale avec la réalité et qui est une réalité déformée, mais pour eux, c'est une réalité normale, pour nous, ils sont malades. Alors que pour eux, ils ne sont pas malades. Si vous parlez avec des autistes, ils vont vous dire qu'ils ne sont pas malades. Si vous rentrez en contact psychique avec eux, ils vont vous dire qu'ils voient beaucoup plus de choses que vous. Et en fait, l'autiste, c'est vous, ce n'est pas eux. Oui, c'est une question de perception. C'est une question de vue. Et alors que la mère qui a son enfant autiste, elle aimerait bien qu'il joue, qu'il fasse ses affaires avec les autres, etc., etc. C'est-à-dire qu'il soit un petit peu à son image, mais il faut accepter les gens comme ils sont. Ouais. Les gens comme ils sont, ils ne sont pas malades. Non, exactement. C'est sûr que c'est intéressant parce que ça nous ramène au fait que la maladie, c'est une construction intellectuelle. C'est à partir des formes, à partir de normes sociales. Fait que d'un point de vue social, on peut évaluer que, par exemple, un jeune qui est tout le temps en retrait, que c'est malsain. Mais si on sort d'une lecture sociale ou moralisante, ben, en tant que tel, le jeune n'a pas nécessairement un problème en soi. Il est comme ça, c'est tout. Voilà. Avant, on aurait dit qu'il était possédé. Alors oui. Que justement, c'est celui-là qui n'est pas possédé. Mais quoique quelqu'un peut être amené sous l'influence d'une entité est en retrait, au même titre que quelqu'un sous l'influence d'entité peut aller plus vers le collectif. Mais une entité ne va pas être intéressée à posséder quelqu'un qui est dans un archétype automatique ou dans un archétype toujours identique ou stéréotypé. Pourquoi? Parce que la manipulation va être limitée. Donc on va mettre une entité qui est peu intelligente et peu encline à manipuler quelque chose ou un mental trop branché sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire que on va mettre quelqu'un d'assez développé pour manipuler quelqu'un qui est développé et qui a la possibilité d'avoir plusieurs moyens d'être débalancé. Parce que l'autiste, il va être débalancé, il va être ciblé dans son débalancement. Mmh. Et si on met une entité qui va le débalancer dans plusieurs coins, ça y fera rien. Donc, c'est un petit peu comme... ça serait la stupidité des gestionnaires de possession, c'est-à-dire que ces individus qui gèrent les entités et qui les mettent un petit peu n'importe où. Ça se met pas n'importe où, ils les mettent pas n'importe où. Ils vont chez un gars qui est excessivement intelligent, ils vont mettre une entité qui est à sa mesure, qui va être intelligente. J'aime pas trop le mot intelligent, mais en fait, qui va être bien automatisé. Chez un autiste, qu'elle saura qu'il est très développé au point de vue mental, ou au point de vue calcul, au point de vue de relation ou de vision, elle va se mettre uniquement dans ses spécificités. Sinon, celui qui a fait ça, s'il a foutu une entité trop développé, il a merdé, il a fait n'importe quoi. Et une fois de plus, vous allez me dire. Mais généralement, ils essaient de qualifier l'entité de façon à embêter le parent, non pas l'enfant. Oh, oh, oh, ça devient intéressant ici. C'est-à-dire que, autrement dit, il y a des entités qui peuvent être implantées chez certains enfants pour créer des tensions ou ajuster les parents dans un certain sens. Mmh. Parce qu'il faut voir qu'une entité, c'est ciblé sur nous, mais c'est ciblé aussi sur le couple, c'est ciblé sur l'environnement. Et donc, on vient vous bousculer avec l'entité de l'autre. Et pour une femme, pour une mère, quoi de plus intéressant que de la manipuler à partir de son enfant? Et combien de parents sont manipulés par leurs enfants, par l'entité de leurs enfants, pardon, c'est pas tellement par leurs enfants. Et ne serait-ce qu'au niveau de l'anxiété, au niveau du trouble, au niveau de l'inquiétude que se fait la mère. C'est magnifique. C'est Oui. magnifique pour l'astral d'avoir quelqu'un qui s'inquiète et qui s'angoisse. C'est magnifique. Vous perdez votre énergie vitale, vous perdez votre énergie mentale, vous perdez votre corps de désir, vous perdez vos capacités au travers de la culpabilité, de l'angoisse. Regardez la culpabilité, ce que ça entraîne comme intériorité de votre être, comme ça entraîne un empêchement de vivre de soi, comme ça entraîne une retenue de son développement. C'est magnifique. C'est magnifique dans le sens, c'est extraordinairement subtil, c'est extraordinairement intelligent, la façon dont ils vont faire pour culpabiliser l'individu. L'individu qui a un autiste ou un schizophrène avec lui, il se sent coupable. Et ça, c'est intéressant pour l'entité. Oui, c'est intéressant pour l'entité, mais en même temps, c'est un poison pour l'individu de se faire manipuler ainsi parce que ça dilapide ses énergies vitales, puis ça le fragilise davantage. C'est un peu un cercle vicieux. Mais c'est sûr que c'est intéressant de voir le culte de la lutte qui existe par rapport à la vie sur Terre, c'est-à-dire qu'il y a des forces qui sont réfractaires à l'être humain puis à son épanouissement. Puis de voir aussi qu'on est. Ouais. Toutes ces formes anti-humaines, il faut connaître ces formes anti-humaines pour pouvoir les appréhender. Parce que si l'astral, c'est la gestion du mal, il faut que nous, on puisse gérer le mal comme mieux que eux, parce que nous, on l'utilise dans notre programmation. Nous, on l'utilise pour nous, pour se guérir. Eux, ils l'utilisent pour nous rendre malades, ce qui est totalement différent. Nous, on utilise le bien pour diminuer les quantités d'énergie de mal qui font qu'on est trop débalancé. Eux, ils utilisent pour nous manipuler. Donc, on n'est pas encore assez experts dans la manipulation de nos énergies. On est trop branché sur des iPhones, des choses qui ont leur propre énergie électrique, et on n'est même pas capable de gérer nos propres énergies et nos propres sens vibratoires et de voir et de poser la question: qu'est-ce qu'il faut à mon enfant qui est autiste pour qu'il puisse être bien? Parce que l'objectif, c'est pas pour qu'il soit normal comme nous, où on estime être normaux, mais qu'est-ce que c'est qu'il faut pour qu'il soit bien? Et plutôt que d'avoir ça, on va l'amener à un médecin qui se doit de donner une réponse, qui se doit de donner de la gymnastique mentale à certains individus pour satisfaire les individus qui viennent le trouver, parce que il faut vous Ouais. dire qu'il vit au travers de ce que de votre maladie. Ouais, exactement. Souvent, les gens vont s'attendre que, par exemple, le médecin va ajuster, adapter l'enfant à la société, mais ça peut être possible de regarder la chose contraire, c'est-à-dire est-ce que la société devrait pas plutôt s'adapter à l'enfant au lieu d'essayer continuellement de le changer? Ça. Et ce qui va se passer, c'est que dans le futur, l'intelligence artificielle va s'adapter à ce monde. Ils vont créer des robots ou des intelligences artificielles adaptées à ces enfants, adaptées à des systèmes psychiques particuliers qui ne seront, parce que pour l'instant, on est dans l'autisme, mais vous allez avoir d'autres maladies psychiatriques qui vont être beaucoup plus intéressantes que ça, qui vont être beaucoup plus problématiques que ça, parce que l'avenir se tourne essentiellement sur un état de changement. Donc, il faut que ces changements psychiatriques vont être à la mesure de l'intelligence artificielle, et on ne sera peut-être pas, pour l'instant, s'en libérer ou être à la hauteur du problème. Oui, d'où Parce le... que, comme je vous le disais tout à l'heure, l'information qui m'avait été envoyée, dans 200 ans, la femme votera la fin de l'homme. Comme on disait, le vote, ça veut dire la lucidité. Donc, l'individu va d'ici 200 ans, on ne sera pas là pour le voir, hélas, mais l'individu va s'apercevoir que le déséquilibre, il faut le rayer de la carte. C'est ça que ça veut dire. Que tout ce qui est déséquilibre n'est plus prioritaire sur la planète. Que tout ce qui est Mais attends une minute, l'homme n'est pas nécessairement déséquilibre, là. l'homme est un déséquilibre. Mais là, on va juste clarifier les concepts. Est-ce que tu entends homme avec, dans le fond, l'individu masculin? L'individu masculin. OK. Pourquoi que L'individu masculin, l'individu masculin serait un déséquilibre en soi? c'est un déséquilibre en soi parce que si on regarde son caryotype, c'est-à-dire sa charge génétique, on se retrouve avec des chromosomes qui ne sont pas équilibrés. Chez la femme, on a le XX, et chez l'homme, on a un avorton de chromosomes qui s'appelle le Y. On a quelqu'un qui sort avec des poils, des muscles, qui fait plus penser à une bête qu'à quelque chose d'harmonisé. Si on regarde bien la planète, elle devient déséquilibrée, elle devient disharmonique. Il y a disparition des oiseaux, il y a disparition des insectes, il y a disparition, il n'y a plus d'équilibre. Or, Oui, c'est ça, c'est que lié à la la femme. pollution qui est entraînée par souvent les individus masculins qui ont développé tout ce qui est le volet extérieur, la science au niveau Oui, parce que chimie, tous ces trucs-là. Par c'est contre, l'homme qui dirige. mais en même temps, si l'être humain nouveau, individu masculin, intègre le volet féminin, il y aura une rééquilibration psychique qui peut être générée sans pour autant que l'individu masculin disparaisse de la carte. Oui, mais l'individu masculin peut disparaître de la carte. Déjà, il n'est plus intéressant pour une grosse majorité de femmes, étant donné qu'il n'apporte plus rien. Elles ont l'argent, elles ont parfois le pouvoir, parce qu'il aura cédé les sociétés, elles ont les moyens de se faire plaisir avec des sextops, des sextoys ou je ne sais pas quoi, là. Elles ont un tas de trucs et l'individu lui-même, qu'est-ce qu'il va amener? Sa grosse voix, ses gros muscles, il va amener ses poils, il va amener quoi? Son état bourru, son état son manque de finesse. Et qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'actuellement, on voit apparaître tout un tas de formes de transgenre, d'homosexualité, de gens qui sont pas masculins à la base, parce que sinon on ne parlerait pas de transgenre, on parlerait d'homme, un point, un trait. Or, on parle de tout un tas de sortes de déviances, un petit peu comme les déviances psychiatriques dont je disais tout à l'heure. Mais On attention, pour moi, les transgenres, ce n'est pas nécessairement une déviance, ce n'est pas une pathologie. Il faut faire attention parce que je ne dis pas que ce sont des déviances, je dis que ce sont des gens qui ont été mis sur la planète en général, non pas parce que c'était des anomalies, ce ne sont pas des anomalies, ce sont des individus qui sont là pour qu'on commence à apprendre à s'aimer entre individus féminins, entre individus différents, c'est-à-dire à ne plus compter le sexe comme quelque chose d'une séparation opposée à aimer, mais à pouvoir aimer un homosexuel, à en faire son ami, à pouvoir aimer une femme, à pouvoir aimer un transgenre, il faut pas que ça pose de problème à qui que ce soit, parce que ce sont des individus qui, en dehors de leur propre souffrance, sont là pour venir nous éduquer dans notre corps de désir. Parce que nos corps de désir sont, enfin pour les anciens, je parle, sont trop canalisés, sectaires, bloqués, n'ont pas assez de développement. Or, comme je comprends mieux l'information que les doubles m'ont donnée, que dans 200 ans, il n'y aura plus à proprement parler de femmes, mais ils voteront pour qu'on arrête avec ce type d'homme. Et que si on veut qu'on continue à se développer, ça sera par les FIV, par les fécondations in vitro qui se feront au niveau utérin direct. On n'aura pas besoin, pour la femme, elle n'aura pas besoin, ou pour le transgenre, il n'aura pas besoin d'avoir quelqu'un d'opposé pour l'aimer. Il aura besoin uniquement d'avoir un individu en face de lui pour l'aimer. Peu importe qu'il ait un sexe différent. Pour lui, ça sera normal. Et quelle qualification plus réelle va-t-on trouver dans l'amour d'une femme ou d'un transgenre par rapport à celui d'un homme? C'est-à-dire que la femme, elle va distribuer ses corps émotionnels et tous ses corps pour les donner à son enfant. Et ce phénomène d'amour, ça va se passer aussi bien dans les phénomènes de transgenre ou d'homosexuel que dans les phénomènes de femmes et d'hommes. Ça va être exactement la même chose. C'est ce qui va se passer dans le futur. C'est ce que ça veut dire. Oui, bien c'est sûr, c'est intéressant à aborder comme sujet parce que, entre autre, ici au Québec, puis je sais, c'est la même chose en Occident, on entend parler de plus en plus des transsexuels. D'ailleurs, il y a une émission de télé-réalité qui s'appelle ici au Québec Occupation Double, où il y avait cet automne un transsexuel qui a participé. Et puis, si on parle aussi du phénomène des toilettes non genrées, c'est-à-dire que les hommes et les femmes peuvent aller, qui sont de plus en plus présentes dans les restaurants, les lieux publics. Alors qu'autrefois, s'il y avait des toilettes pour les hommes, toilettes pour les femmes, là, il y a des toilettes avec les affiches pour les deux sexes. Donc, il y a un phénomène social qui est là présentement, qui n'était pas là il y a 30 ans ou 60 ans, là. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe. C'est sûr qu'en lien avec ce que tu dis, ce que je trouve intéressant, c'est que l'individu, l'être humain dans le futur, va être appelé à aimer la personne pour ce qu'elle est, peu importe la nature de son identité sexuelle. C'est pour ça que le sexe va disparaître dans 200 ans. Ben, j'imagine que le sexe biologique va prendre moins d'ampleur à mesure que la personne se développe au niveau de l'esprit, mais il y aura quand même la dimension échange énergétique qui passera peut-être pas à travers l'échange des fluides corporels, mais il y aura quand même une dimension au niveau échange entre êtres. Parce que qu'est-ce que c'est que le plus important dans l'échange? Avec quelqu'un d'autre, c'est justement l'échange, c'est justement la communication. Et si l'état de communication vient à plus se développer que l'état physique, il n'y aura plus besoin de sexualité. Dans la vision 3D et ce que l'on va nous faire développer au fur et à mesure, si on ne veut pas rester dans l'isolement, il faudra en venir à l'échange. Et si on n'est pas dans une forme d'échange, disons, non pas régulé, mais équilibré, on risque de partir dans une forme d'isolement. Et qui dit isolement dit fin de la race. Oui, exactement. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est, comme tu le mentionnes, c'est que, puis je vois ça quand même assez gros, là, parce que, tu sais, il y a des. C'est sûr qu'au fil des derniers siècles, derniers millénaires, la civilisation humaine s'est beaucoup développée en fonction des hommes. On parle, des religions, masculinoïdes, comme par exemple la religion chrétienne, la religion, musulmane, la religion juive, où, c'était des individus masculins. Qui était au cœur de ces religions, les prophètes, le Jésus-Christ, le Messie, ainsi de suite. Donc, est-ce que selon toi, on est en train d'entrer là, rapidement dans un paradigme plus féminin où on sort de ce volet-là? Comme on disait à la dernière conférence il y a 3 ans, que la femme allait commencer à prendre de l'ampleur, allait commencer à prendre, je sais plus, de la une forme de pouvoir. Rentrer dans sa puissance. Elle va rentrer dans sa connaissance, c'est elle qui va fusionner, c'est elle qui va amener la planète vers un nouvel équilibre, vers une nouvelle conscience. Parce qu'ils se sont aperçus, ça, je tiens des contacts, que la femme a été diminuée uniquement par son corps émotionnel. Et le jour où elle va perdre son corps émotionnel, elle va retrouver le pouvoir. Et si elle retrouve le pouvoir, à ce moment-là, c'est sûr qu'elle sera beaucoup plus équilibrée, elle sera beaucoup plus lucide. Si elle élimine son corps émotionnel, il n'y aura plus grand-chose qui va en faire un être sociable, entre guillemets, pour nous, pour les hommes. Non, c'est ça, mais ça va faire des rapports plus équilibrés entre les hommes puis les femmes. Puis c'est sûr que depuis les dernières décennies, il y a une sortie du rapport de domination de plus en plus qui avait cours entre les deux sexes, dans le sens qu'autrefois, l'homme était le pourvoyeur, la femme était à la merci de l'homme parce qu'elle restait à la maison, elle ne travaillait pas. Donc c'est sûr que là, la femme est entrée sur le marché du travail avec les années 70, il y a eu l'émergence du mouvement féminin, féministe. Et c'est sûr que dans cette lignée-là, la femme est appelée à prendre de plus en plus de place. Ici au Québec, par exemple, il y a de plus en plus de femmes qui vont se présenter aux élections. Il y a eu, entre autres, si je pense au gouvernement fédéral, je pense à Justin Trudeau, là, qui avait décidé d'avoir un équilibre dans les sexes par rapport au nombre de députés masculins et féminins là, qui allaient faire partie de son cabinet. Donc, c'est sûr qu'on voit l'émergence des femmes en position de pouvoir de plus en plus là, en société. Fait que c'est sûr, ça va aller encore plus loin que ça, mais là, de voter par rapport à l'évolution de l'homme masculin d'ici 200 ans, je trouve ça un petit peu gros parce que il y a des populations encore très masculinoïdes, si on pense à certains pays arabes. Donc, je ne vois pas ça nécessairement chez eux là, demain matin. Ça va évoluer quand on verra que la femme refuse la maternité, quand on verra des révolutions et du terrorisme, ce qu'on pourrait appeler du terrorisme gynécologique, c'est-à-dire que la femme refusera l'enfantement, elle aura même le pouvoir parce qu'on lui aura donné les techniques qu'on lui aura données, ou les médicaments qu'on lui aura donnés, elle aura le pouvoir de refuser de faire poursuivre la race. Et l'homme va être obligé de se mettre à genoux. À genoux, je trouve ça quand même inconfortable comme position pour le masculin. Mais moi, la façon que je vois ça, c'est qu'il y a un équilibre qu'il y a à faire entre les rapports hommes-femmes, mais ce serait pas, dans mon avis, plus intelligent que l'homme soit à genoux devant la femme, dans le sens de trouver dans une situation de déséquilibre analogue à celle du passé, où ce que là, il y aurait une domination des femmes comme il y a eu une domination des hommes dans le passé. Il n'y aura pas une domination des femmes. C'est que quand je dis que l'homme va se mettre à genoux, c'est qu'il va. C'est une image, c'est pas. Il va être obligé de laisser la place. Il va être obligé de saluer l'intelligence. Parce que ce qui fusionnera, c'est pas l'individu, c'est pas l'homme masculin, c'est la femme. C'est ce qui n'est pas homme qui va fusionner. Excuse-moi, peux-tu répéter ce que tu as dit? J'ai pas compris. C'est pas l'homme qui va fusionner, c'est la femme qui va fusionner. C'est la femme qui va avoir la fusion avec son contact. OK, mais moi, la façon que je perçois ça, c'est que l'individu soit masculin ou féminin, s'il a vivre la fusion, il va la vivre, là, peu importe le genre ou son appartenance sexuelle. Le problème, c'est que, un, la femme va supprimer la religion, d'abord, ça sera son premier point, le premier point d'évolution. Une fois qu'elle aura supprimé la religion et qu'elle aura prouvé que ce n'est pas nécessaire. Deuxièmement, elle va faire en sorte que l'homme soit plus, ne soit plus dans les moyens du pouvoir, c'est-à-dire ne soit plus dirigeant dans le pouvoir. Ce sera son deuxième effort. Le troisième, ça sera de voir ce qu'il y a d'utile dans le développement de la race. Il faut bien penser que nous, on est choqués parce qu'on se dit quand même l'homme et tout ça, c'était bien et tout. Non, mais le problème, c'est que ce sont des intelligences qui gèrent, ce sont des fusions qui gèrent, ce sont pas des êtres physiques, génétiques ou sexuellement génétiques. Ce sont des consciences, des états de conscience qui se mettent. Donc, s'il y a quelque chose d'inintelligent ou d'inutile, il faudra le supprimer. Et elles voteront la suppression. Pourquoi elles voteront la suppression? Parce que ça ne sera pas utile, parce que ça ne sera pas intelligent, parce que ça va encombrer, parce que ça ne gérera pas des phénomènes corrects dans le développement des individus qui seront transgenres, homosexuels ou féminins. C'est comme ça qu'il faut le voir. Parce qu'il ne faut pas s'attacher à la forme. La forme des individus qui sont actuels vont être amenés à ce. L'homme, qu'est-ce qui va devenir? Si la température continue d'augmenter, vous allez avoir une diminution de la fertilité masculine. Pourquoi? Parce que si vous regardez, vous avez tous les cuisiniers qui font de la cuisine et qui se retrouvent devant des fourneaux qui ont une baisse de la fertilité, parce que si les testicules sont à l'extérieur de l'individu, c'est uniquement pour les refroidir, pour refroidir les spermatozoïdes. S'ils Exact. sont en contact avec la chaleur, ça va les détruire. Et si vous avez des êtres qui ont des testicules qui servent à rien et qui sont aspermiques, c'est que l'individu mâle ne servira à rien. Donc, si ce sont des individus qui servent à rien, autant supprimer au niveau génétique la poursuite et la continuité de ces individus. Autant supprimer la poursuite de l'homme en tant que fœtus qui arrive en tant que XY. On ne gardera que des XX. Oui, mais les C'est propos tenus ici me font penser à de l'eugénisme. C'est-à-dire qu'au temps de l'Allemagne nazie, d'Adolf Hitler, il y avait eu des projets pour perfectionner la race, dont notamment l'élimination des gens qui ont des défaillances, déficients intellectuels, handicaps physiques importants. Fait que comment être certain que ce type de situation-là n'amène pas des dérives ou une dictature de type? Parce que ce seront normalement des gens intelligents qui vont gérer ça. Ils vont pas gêner. Quand je vous ai dit tout à l'heure, la femme n'aura plus son corps émotionnel, on ne va plus le voir du côté émotionnel. Mais ce n'est pas un individu comme Hitler. Ça va être des centaines de millions d'individus qui vont plus le voir du côté émotionnel. Non, je comprends que ça va être sorti d'une lentille émotionnelle limitative. Par contre, c'est de voir est-ce qu'il n'y aurait pas la possibilité d'une dictature de nature génétique qui pourrait émerger, un peu comme l'eugénisme qui a voulu être implanté dans le cadre de l'Allemagne nazie. Ça a été fait dans un objectif. L'Allemagne, ça a été fait dans un sens politico-religieux, dans un sens de dérive d'individus à sublimer. Or là, ce n'est pas l'individu à sublimer, c'est l'inverse, c'est arranger l'individu de façon à ce qu'on n'ait plus besoin de revenir dessus pour qu'il soit malade, qu'on n'ait plus besoin de revenir dessus pour qu'il y ait un problème d'handicap. Il faut bien se dire que dans 200 ans, l'évolution de la médecine, on saura exactement qui va devenir handicapé, qui va devenir malentendant, malvoyant ou qui va avoir ces différentes pathologies ou qui va tomber malade à partir d'une certaine période, on va le voir à l'intérieur de ces chromosomes. On va le voir à ce niveau-là. Et c'est à ce niveau-là que ça va se décider. Oui, ben je peux comprendre l'évolution à ce niveau-là. Après tout, actuellement, par rapport à une femme enceinte, il est possible, grâce à des tests, de détecter si le fœtus va donner place à un enfant qui va être atteint de trisomie 21. Donc, on peut déjà avoir ce niveau de détection-là. C'est sûr qu'avec le temps, il y aura sans doute une détection beaucoup plus subtile et vaste au niveau du génome de Parce l'enfant. que quand vous allez accoucher avec votre femme, du moins votre femme va Ouais, accoucher, c'est ça, parce que c'est pas l'homme qui va accoucher. le gynécologue, il vous demande s'il se passe quelque chose, est-ce qu'on le garde ou est-ce qu'on ne le garde pas? Est-ce qu'on le garde en sachant que ce sera un enfant handicapé ou pas? Et on vous pose la question. Enfin, je ne sais pas si on vous l'a posé, nous on nous la pose. On nous a posé la question. Est-ce que si il fait un arrêt qu'on le récupère et qu'on sait qu'il sera handicapé, est-ce que vous voulez qu'on le garde ou qu'on le tue? En gros, c'était la question. Oui, exactement. Non, c'est sûr, ça se pose aussi également comme question. Donc, s'il pose déjà la question à ce niveau-là, quand on aura la possibilité de savoir qui c'est qui va être handicapé, qui c'est qui va être mal. Qui va être source d'ennui parce que on n'aura pas assez de nourriture pour tout le monde, parce qu'on n'aura pas assez d'air pour tout le monde, parce qu'on n'aura pas assez d'eau pour tout le monde. Donc, ça va être une sélection qui va se faire par ceux qui sont non pas les plus valables, mais les plus à même de vivre au niveau génétique, c'est tout. Il faut pas le voir d'une manière politique ou d'une manière émotive, ça sera un partage. On aura d'autres planètes, c'est sûr, pour aller, mais ça restera une sélection. Ça restera l'effet d'une sélection. Actuellement, on a une sélection sur les animaux. L'animal malade, il est bouffé par un autre ou il meurt tout seul. Là, la sélection va être faite avant qu'il ne tombe malade, avant d'être bouffé par un autre. Ça sera la sélection à la base. Ça sera la sélection naturelle, entre guillemets, sauf que le naturel, ça sera nous. Non, je comprends. C'est sûr que dans cette optique-là, est-ce que d'ici 200 ans, le gouvernement supramental, la régence planétaire, sera dirigée essentiellement par des femmes? C'est ça. Mais peu importe que ce soit des femmes, parce que nous, on voit la femme en tant que forme équilibrée. Mais dans un homme, pour être une femme, c'est ce qui se passe dans des homosexuels, dans des transgenres. C'est pas important que ce soit la forme, que ce soit un homme ou une femme, ou une âme masculine ou une âme féminine qui soit dans un corps. Ce qui est important, c'est que ce corps soit valide et soit en pleine santé. Peu importe, disons, la forme de son sexe ou qu'il n'en ait pas. C'est pas important. Le principal, c'est que l'individu ait pu s'incarner pour pouvoir faire ce qu'il a à faire et pour pouvoir être à même d'être en santé, parce que ce qu'il faudra voir, c'est que on aura tellement fait de dégâts que les individus ne pourront être en pleine santé que ceux qui seront équilibrés. Et l'équilibre passera d'abord par le côté physique, parce que si vous voulez être bien en équilibre dans un côté physique, il faut déjà ne pas avoir mal quelque part et ne pas être en déséquilibre par ailleurs. Il faudra avoir, on examinera la majorité de vos corps, c'est-à-dire votre corps mental, votre corps émotionnel, etc. Et tous vos corps seront examinés avant votre naissance. Oui, ça nous amène à une dimension intéressante, c'est-à-dire que présentement la science peut examiner, par exemple, le fœtus au niveau du corps physique, mais s'il y a une analyse des différents corps, ça veut dire que les futurs médecins auront des capacités psychiques pour être capables de percevoir, par exemple, l'enfant à naître alors qu'il est en état de fœtus. C'est-à-dire que ça sera l'âme qui sera examinée. l'âme au niveau vibratoire qui sera examinée. Parce que c'est l'âme qui fabrique les corps. Et Oui. donc, au fur et à mesure qu'elle fabrique les corps, elle ne fabrique les corps qu'au travers de ces différentes vibrations. Et donc, s'il y a une faille, on saura exactement quel est le corps qui va être faillé, qui va défaillir, quel est le corps qui va être fissuré. On le saura, on le verra. Parce que l'avenir qui se projette sur nous, c'est un avenir où on va connaître l'astral beaucoup plus, d'une manière beaucoup plus présente et beaucoup plus. Et on va se vouer à une guerre qui va être une guerre sans merci et une guerre qu'on gagnera. C'est pas une guerre où on est en train d'essayer d'être dans un équilibre. On est actuellement en état de paix avec les parasites que sont les entités astrales, etc. On est en état de paix, on n'est pas encore arrivé en état de guerre où nous, on aura la possibilité d'aller chez eux, leur foutre le bordel. Quand on aura la possibilité d'aller dans des plans 5 ou 6 et puis d'aller bousculer tous les gens qui y sont, c'est que à ce moment-là, là, on aura du souci à se faire. Là, il faudra faire attention à ce qui se passe. Où il y aura les gens qui auront des niveaux de direction qui seront branchés, qui seront obligatoirement en état de gestion du plan 5, d'autres qui seront en état de gestion du plan 3, eh bien, il faudra que ces gens-là, ils soient parfaitement équilibrés. Ce ne seront pas des gens qui auront l'autorisation d'avoir un rhume, parce que ça foutra en l'air toute la planète. Ben, c'est pas ça, ça risque de les fragiliser d'avoir un rhume, mais en même temps, quelqu'un qui est très avancé dans un état d'équilibre psychique puis un taux vibratoire élevé, qu'il ait le rhume ou non, ça n'enlève rien à sa lucidité. Peut-être pas, mais ça l'empêche de réagir. Avoir de la température, ça vous met pas à 100% de ce que vous êtes. Or, on aura besoin de gens qui seront à 100% de ce qu'ils sont. Oui. On ne trouvera pas. Qu'est-ce que vous préférez, voler avec un pilote enrhumé ou un pilote qui est en pleine forme quand vous prenez l'avion? Non, exactement. C'est sûr qu'on veut avoir quelqu'un qui est en pleine forme. Mais présentement, justement, pour être au sommet de sa forme, est-ce que collectivement, on a des choses concrètement à faire? Collectivement, est-ce qu'on a des choses à faire? Pour l'instant, on a à s'équilibrer avec notre mental, parce que pour l'instant, on n'est pas bousculé. Parce que pour l'instant, on n'est pas, je dirais que même les entités qui sont là, elles ne sont pas bousculantes. Les entités qui sont là, ce sont nos morts. Ce sont des gens qu'on connaît. Ce sont des gens qui ont été recyclés, en gros. Et ces gens-là, pardon. Ce sont des gens qui ne sont pas trop hostiles. Oui, Mais bien, si on pense aux membres de la famille, à des amis qu'on a eus qui sont décédés, voilà, mais il n'en reste pas c'est pas moins. trop méchant. C'est Oui. pas trop méchant. Ce sont des gens de la planète. Quand on va commencer à avoir des individus qui viennent et qui ne sont pas de la planète, qui vont être très hostiles, qui vont être très très agressifs vis-à-vis de ceux qu'on est en train de préparer sur notre planète, sur la Lune, sur Mars, sur toutes les voies que l'on est en train de choisir, sur les alliances qu'on est en train de faire avec des individus de notre planète, il va falloir être au mieux de notre forme et pas être sur notre sensibilité de savoir que machin ou chose, il a ce problème et que ça nous pose un problème, ça nous empêche de réagir. Et qu'en ayant un enfant malade, on ne peut pas aller travailler. Ça ne sera plus ça. Non, non, je comprends que dans l'avenir, il va falloir qu'il y ait une optimisation de l'énergie de l'individu aussi pour faire face, par exemple, à des attaques ou d'êtres qui viennent de d'autres planètes. Mais Ce seront des déséquilibres. Et les déséquilibres vont s'attaquer essentiellement à la créativité. Tout ce qui ne sera pas créatif va être détruit. C'est ça le problème. oui. Actuellement, on peut faire ce qu'on veut. Ce ne sera pas détruit. On n'est pas créatif. Donc, il n'y a rien. Mais si vous voulez amenuiser quelque chose, vous le testez. Si quelque chose n'est créatif et n'est viable en tant que créativité, si ce n'est pas détruit ou détruisable. Ouais, ça devient indestructible. Voilà, ça devient indestructible. À ce moment-là, c'est que c'est une bonne créativité. Ouais, parce qu'elle est capable de perdurer dans le temps. Donc, on peut dire que c'est une créativité qui a de l'esprit. Ouais, c'est de l'esprit. Ouais, exactement. Mais pour ce qui est des femmes qui éventuellement vont diriger l'humanité, puis que l'humanité va être constituée essentiellement de femmes dans à peu près 200 ans, ce que tu nous annonces. Moi, je trouve ça un petit peu rapide, parce qu'après tout, Bernard de Montréal nous parlait du changement de cycle sur environ 2500 ans. Mais moi, tout s'accélère. Faut Oui. pas. Faut pas. Bernard ne veut pas. Enfin, n'a pas voulu effrayer l'humanité. Oui. Dans ce sens-là. Par contre, si ce que je te comprends bien, c'est que d'ici 200 ans, la reproduction sexuée entre un individu masculin et féminin va céder le pas à une reproduction assistée avec de la technologie pour donner naissance à des êtres uniquement féminins. Ouais. Et surtout, on sera plus dans un milieu avec des plans astraux, à gérer des plans astraux de notre plan, qu'à bidouiller de la politique. La politique va être supprimée. La religion sera déjà supprimée depuis belle lurette. Oui, On ben aura ici on est en tellement. train de voir ça entre autres au Québec, là, c'est-à-dire avec le projet de loi de 21 qui a été adapté il y a à peine quelques mois, qui fait en sorte que les gens en position d'autorité, policiers, juges, professeurs, n'ont pas le droit d'afficher des signes religieux ostentatoires, c'est-à-dire que des signes sont voyants. Le crucifix a été décroché ici de l'Assemblée nationale, où les parlementaires québécois siègent. Donc, il y a des gestes qui sont posés au niveau politique pour faire sortir la religion de la place publique, pour qu'il y ait une laïcisation de l'État. On est vraiment dans cette mouvance-là. Ouais. C'est normal. Si on regarde bien tout ce qui est religion, quelle que soit la religion, c'est un état d'asservissement de l'homme. C'est un état de dépendance de l'homme. C'est un état de soumission. Or, il est normal qu'on enlève tous les signes de soumission de l'individu. Et Oui. pour alléger un petit peu notre discussion, pour la rendre un peu plus cocasse, je dirais. J'ai demandé au contact là ce qu'il pensait des terroristes qui allaient avoir 112 vierges ou 200 vierges, je ne sais plus, s'ils faisaient leur acte terroriste. Et j'aurais dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et ils m'ont dit, c'est exact. J'ai dit, comment ça? Ils vont avoir 200 vierges alors qu'ils auront fait péter la planète. Il me dit, mais ils vont avoir les 200 vierges, mais les 200 vierges seront des individus qu'ils ne pourront pas utiliser parce qu'ils vont être microscopiques. Donc, ce ne sont pas des individus utilisables. Ce seront des individus qui vont être là pour leur reprocher les individus qu'ils auront tués. Ces choses-là, il faudra. En dehors de leur dire, il faudra les leur montrer. Il suffira pas d'assassiner un terroriste, ça n'aura aucun sens. Il faudra simplement lui montrer exactement qui sont ces vierges, qu'est-ce que c'est qu'il veut, après quoi il court, et quand il aura vu, de ses yeux vus, les gens qui ont décédé, et ça, on est en train de s'y mettre au travers du décès assisté, comme on le fait actuellement, à ce moment-là, quand on aura vu ça, qu'ils auront vu ça, qu'ils auront pu parler avec les gens qui sont déjà décédés, il n'y aura plus de terroristes, parce qu'ils ne seront plus du tout intéressés, parce qu'il n'y aura plus d'objectifs, Parce que quand on va savoir ce qu'il y a derrière, dans les plans de la mort, quand on verra les morts et qui vous exprimeront exactement ce qu'ils sont en train de vivre, pourquoi ils le vivent, quelle était la nature de la religion, la nature va de la religion, et la religion va s'arrêter d'elle-même, ça va se supprimer d'eux-mêmes. Et ça, on est en train de préparer des appareils pour ça. Et d'ici 7 ans, on aura les appareils. On commence déjà à balbutier au niveau psychologique pour pouvoir rentrer en contact avec nos morts. Et d'ici 7 ans, on aura les appareils automatiques. Donc, on est présentement en 2019. 17 ans, ça nous met en 2026. Moi, je trouve ça un petit peu gros, là, d'ici 7 ans, parce qu'après tout, à l'origine, la radio, c'était censé être un appareil qui permettrait à des gens de communiquer avec les morts. Puis ça ne s'est pas actualisé dans ce sens-là. Mais. Non, l'IADEC, ça vous dit quelque chose? Non. On a des appareils Oui. qui au travers des appareils mécaniques, hein, moi j'ai l'appareil qui est avec moi, les individus qui veulent purger leur chagrin lié à un décès. Oui. On a la possibilité de leur faire regarder cet appareil avec cette lumière, et au fur et à mesure qu'ils regardent ça, avec les mouvements oculaires qui sont déplacés, ce qu'on pourrait appeler les MDR, etc., hein, tout ce qui est technique MDR, on Oui. s'est aperçu que, ok, ça guérissait le choc, mais en même temps, ces gens-là rentrent en contact avec leurs parents décédés, avec leur enfant décédé, avec les gens, et ils purgent leur chagrin parce qu'ils ont la possibilité de leur parler, parce qu'ils ont la possibilité de les rencontrer. Donc ces appareils existent déjà. On est à l'état primaire, on est à l'état primitif de ces appareils-là. Hein? Il faut mettre les gens, les papis, les mamies, avec des trucs devant les yeux ou sur les oreilles pour qu'ils voient leur parent décédé. Mais dès qu'ils ont vu leur parent décédé, un, ils sont choqués, donc on s'aperçoit que ce n'est pas une illusion, surtout si on leur en a pas parlé. Deuxièmement, ils sortent de leur chagrin, alors qu'ils y étaient depuis 2 ans, et ils sortent de chez vous sans chagrin. C'est-à-dire qu'ils ont la possibilité de revenir une semaine après pour se demander s'ils n'ont pas rêvé, et ils ont la possibilité de revoir ça. C'est ça, les soldats américains. Et ils se purgent directement leur chagrin avec cet appareil. Donc, ces appareils seront vendus, ils Mais seront juste interrompre ici pour que les gens puissent nous suivre, puis moi-même. C'est quoi le nom de l'appareil? Je vais le prendre en note tranquillement, puis après notre discussion, je ferai une recherche. C'est tout ce qui s'utilise en MDR, c'est-à-dire, je vais vous donner ça. Attends, je vais te dire OK. ça. Et c'est ce qu'on appelle l'IADEC, l'induction. Ça fait appel à la mémoire, et j'ai du mal en plus, je l'ai devant, je n'ai même pas la possibilité de connaître le nom, mais je vais te le donner. Parce que c'est sûr que pendant qu'on parle, je peux chercher de mon côté sur ordinateur pour voir MDR, c'est des initiales de quoi? Oui. MDR, l'IADEC. En plus, vous avez des professeurs américains qui utilisent ça. OK. Je vais vous sortir le truc. Alors, l'IADEC, c'est le professeur Alan Botkin OK. qui a fait la communication induite après la mort. OK, Alan at L. Botkin. OK, ça je l'ai. A-E-M-D-R. J'avais compris M-D-R, mais c'est E-M-D-R. Puis là, j'ai des liens avec des vidéos que je peux voir sur YouTube. Voilà, les MDR, le IADEC, c'est-à-dire, c'est en anglais, IADEC. Donc, mais sinon, en français, c'est la communication induite après la mort. C'est la thérapie révolutionnaire pour communiquer avec les défunts. Voilà. OK, donc, intéressant. Fait que je vais aller. Puis les gens aussi qui nous écoutent, qui ont envie d'aller plus loin dans l'exploration de l'EMDR, ben ça sera l'occasion d'aller voir des articles, des vidéos par la suite là-dessus. Moi j'ai eu l'occasion de travailler avec des gens qui avaient eu des décès. Et oui. Ça marche à 100%. Ah, ben génial. Et, tous les gens qui ont été en contact avec leur décédé, mais je mettrai un bémol, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient décédés depuis 3 ou 4 ans, parce que généralement, les gens qui sont partis, ils ont déjà été lissés, ils ont déjà été débarrassés de leur mémoire, et ce sont... il faut pas que ce soit plus vieux que 3 semaines. OK, dans le sens que sinon, les gens sont reformatés pour aller se réincarner ailleurs. Voilà, ils passent ce qu'on pourrait appeler au purgatoire, quoi. On les purge de tout ce qui est mémoire. Et ce qui reste, ce sont des individus un petit peu hagards, un petit peu pas tellement concernés avec votre vie. Et c'est parfois des entités qui sont, ça, je ne devrais peut-être pas le dire, mais ce sont des entités qui sont chargées de se faire passer avec l'information, avec la mémoire pour ceux qui étaient décédés auparavant, quoi. Oui, mais ça, c'est un autre phénomène intéressant à aborder. C'est-à-dire que quelqu'un peut parler continuellement dans sa tête à son père, puis au bout d'un certain nombre de temps, son père est parti ailleurs sur un autre plan où se réincarner, puis une autre entité prend la relais. Puis là, au lieu de nourrir une conversation, il y a un lien psychique avec le père décédé, bien... C'est une autre entité qui à place la remplace. Voilà, avec la mémoire et les c'est... Bon, je vais être obligé de m'arrêter. Oui. Parce que et parce qu'il est déjà un peu tard chez nous. Il est déjà minuit et demi. Oui, c'est bien correct pour moi. On a parlé à soir de plusieurs sujets. Donc, en terminant, bien, c'est sûr que je rappelle aux gens qui ont envie de participer à l'activité, que vous pouvez, avec les coordonnées en bas de l'enregistrement présent, par l'adresse courriel qui va y être et également les coordonnées Facebook, s'inscrire à l'activité qui va avoir cours à Québec de conférences, séminaires, donc pour avoir tous les détails si rapportants. Oui, c'est ça, exactement. Vous avez juste entré en communication avec Jean-Luc ou sinon l'organisatrice de l'événement. Et ouais. C'est sûr qu'en terminant, Jean-Luc, je te remercie pour tout le temps que tu as consacré à l'enregistrement présent. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter? Non, parce qu'ils ont des questions, ils pourront toujours les poser aux conférences sur papier et te les déposer à toi. Oui. Et à ce moment-là, je les gérerai dans la conférence. Et que ça m'a fait bien plaisir de te rencontrer. C'est toujours très, très clair ta vision des choses. Et ça apporte beaucoup, je trouve, ta lucidité et ta concision dans ce qui me paraît parfois confus dans mon élocution. Ça apporte beaucoup et ça permet de bien faire le point. Je te remercie beaucoup. C'est un plaisir à partager, Jean-Luc. C'est sûr que je vise à amener les choses à ce que ça soit clair, simple, puis bien synthétisé. Donc, c'est sûr qu'en effet, s'il y a des gens qui, pour cette activité rencontre à Québec, qui va avoir lieu bientôt, vous avez des questions, vous pouvez les écrire par papier. Et puis, sur place, je peux les poser à Jean-Luc, naturellement. C'est sûr qu'il y aura un filtrage qui va se faire dans l'optique que ce soit des questions qui permettent de rehausser la vibration, favoriser l'exploration, puis d'intérêt aussi général pour les gens en présence. C'est sûr que dans certains cas, je pourrais bonifier les questions ou aller plus loin dans l'approfondissement pour favoriser l'exploration. OK. Donc, c'est ce qui va compléter. Puis, je rappelle aux gens qui ont apprécié cet entretien, comme également les autres que j'ai faites au fil du temps, parce qu'après tout, j'ai eu des entrevues avec de nombreux invités au fil des mois, des années. Vous pouvez me faire parvenir un montant d'argent de votre choix. Je prends les dons là, par PayPal et également Interac. Donc, vous avez mes coordonnées là, dans l'optique de me faire un virement en bas de l'enregistrement présent. Donc, je te remercie, Jean-Luc, et également toutes les personnes qui auront écouté cet enregistrement. OK. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Bye-bye. Au revoir.